Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Bienvenue, 20h30. Vous êtes sur Arc-en-Ciel pour la Red Arc du Sport. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a bien démarré. Vous nous suivez bien sûr sur radio-arc-en-ciel.com. Vous pouvez aussi nous joindre aussi par téléphone si vous le souhaitez pour intervenir en direct sur l'émission. Je vous redonne le numéro 0238 434 800 pour intervenir et réagir en direct sur toute l'actualité de la semaine. On va avoir un beau débrief ce soir encore. On retrouvera Hugo d'ici 21h pour le débrief foot. Il y aura beaucoup de choses puisqu'on aura bien entendu les demi-finales des Coupes d'Europe, ça y est, qui sont connues avec deux clubs français qu'on retrouvera, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Dortmund et l'Olympique de Marseille en Ligue Europa qu'on retrouvera donc aux côtés de l'Atalanta Bergame. Donc on en parlera tout à l'heure de ces quarts de finale qui ont souri donc à deux clubs français sur trois, malheureusement Lille qui n'est pas passé loin mais qui s'arrête donc au stade des quarts de finale dans la dernière des compétitions, l'Europa Conférence. On aura aussi l'actualité de la Ligue 1 ce week-end. On va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain hier qui s'est un peu plus rapproché du titre en s'imposant face à Lyon, 4 buts à 1 le score. On reviendra aussi sur la victoire de Monaco qui a battu Brest à l'extérieur et qui prend, ça y est, la deuxième place de ce classement de Ligue 1. Et puis le match nul de Marseille qui a réussi à prendre un point en toute fin de match du côté de Toulouse mais qui reste encore loin pour l'Europe. Et puis la Ligue 2 aussi, on y reviendra juste après dans la foulée évidemment. Et puis bien sûr on retrouve aussi direct, je vous en parle dans un instant, du rugby aussi avec une journée de top 14 qui avait lieu ce week-end. On va revenir sur ce débrief ici. On aura aussi du tennis avec la victoire de Casper Ruud qui s'est imposé en finale du tournoi de Barcelone en s'imposant face à Stefanos Tsitsipas. Voilà, on parlera aussi du tournoi de la semaine et puis les tournois importants qui arrivent aussi avec Madrid, avec Rome et bien sûr Roland Garros pour terminer la saison sur terre battue. Du basket aussi avec la suite de la saison de Pro B qui va bientôt s'achever, en tout cas pour la saison régulière. L'OLB qui a remporté un match important face à Lille, c'était samedi à domicile, qui reste toujours dans le top 5, qui est assuré d'aller chercher les playoffs maintenant, mais qui va devoir encore faire quelques efforts pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible et pourquoi pas le podium. On en revient tout à l'heure bien sûr sur ce point et puis la NBA aussi avec la suite donc des playoffs. Et puis on aura aussi du handball bien sûr avec la suite de la saison qui nous concerne, en tout cas pour Saran dans la Star League, avec la suite de la saison avec la 25e journée pour Saran, c'est la réception de Nantes avec le show notamment après la rencontre, une défaite logique, mais Saran qui reste toujours hors de zone rouge puisque on verra dans les autres matchs notamment pour Créteil et pour Dijon, la situation est la même. Donc pour l'instant pas de changement. On va en reparler juste après la pause, de la première pause, et puis on aura un débrief aussi en Formule 1 avec la victoire, une nouvelle victoire et la démonstration de Max Verstappen. Les directs, on aura pas mal de directs ce soir. On va avoir, alors on a toujours un direct qui se termine là, qui va bientôt être c'est le traditionnel entre l'AS Rome et Bologne. C'est en Italie, 33e journée de Serie A. Bologne mène 3 buts à 1 sur la pelouse de la Roma. C'est un match important bien sûr en vue de l'Europe. Puisque la Roma, avec cette défaite qui se profile, serait quasiment pour dire quasiment au revoir à la quatrième place et la Coupe d'Europe directement. En tout cas, pour l'instant, Bologne fait une belle opération en s'imposant 3-1. On aura tout à l'heure le choc aussi entre le Milan AC et l'Inter Milan, le derby milanais, même si ça n'aura pas d'incidence évidemment au classement. Puisque le titre est quasiment joué, ce sera comme une belle affiche qui sera à suivre à partir de 20h45. Autre match qui aura lieu, il n'y aura pas de Ligue 2 ce week-end puisqu'on retrouvera un autre match à 21h, ce sera Séville-Mallorca, duel de mal classé en Espagne pour la 32e journée de Liga. Et puis on aura aussi un match national entre Sochaux 9e qui reçoit Niort 2e. Match important pour Niort pour prendre une avance, une belle avance sur Martigues 3e. Ce sera important pour Niort d'aller s'imposer à côté de Sochaux. On se sera donc à 21h également. Voilà les trois directs seulement ce soir que nous suivrons, puisqu'on n'aura pas de Ligue 2 ce soir. Donc, trois matchs que l'on va suivre tout au long de cette soirée. Et puis Hugo, dans une petite demi-heure, qui sera avec nous, bien sûr, pour le débrief foot. Voilà le programme qui vous attend. Voilà, pas mal de choses. Et puis des sons que vous choisissez, comme d'habitude, sur les réseaux, sur la Facebook, Rédac du Sport, vous pouvez suivre. Et puis, choisir vos titres. On démarre tout de suite avec une première pause, et on se retrouve juste après pour eh bien, la première partie. On va démarrer cette émission avec Moziman et son titre Dancing on my own. Tout de suite. Avec Dancing on My Own pour cette première pause de l'émission, ce premier titre que l'on écoute. Bien choisissez pour la suite, hein, c'est vous qui choisissez le deuxième titre. Donc pour la pause juste après le débrief première partie, on aura une pause avant le foot. Ben c'est vous qui choisissez. Allez-y sur Facebook, la Rédac du Sport. On démarre ce débrief avec le Grand Prix de Formule 1 hier qui était en Chine. Grand Prix de Formule 1 dominé encore une fois largement par Max Verstappen, qui a déjà remporté la course sprint qui avait lieu samedi, et eh bien il a enchaîné ensuite avec les qualifs, remporté la tête des épaules, puisqu'il a remporté les deux séances plus la qualif. Donc il a été encore incroyable sur ce week-end, et puis le Grand Prix hier, victoire avec une large avance d'ailleurs sur Lando Norris, son premier poursuivant sur McLaren à 13 secondes, et ensuite on a Sergio Perez 3e à 19 secondes, Leclerc a terminé 4e, Carlos Sainz 5e, Hamilton seulement 9e avec presque une minute de retard. Les Français sont là aussi autour de la minute avec Esteban Ocon 11e et Pierre Gasly 13e. Nouvelle victoire donc pour Verstappen, 4 sur 5, qui a déjà voilà, une belle avance au classement, et une nouvelle fois il prouve que il sera bien présent encore une fois cette année. Prochain rendez-vous avec la Formule 1, ce sera le 5 mai. On aura une pause puisque direction Miami, les États-Unis. Donc on aura 3 semaines avant de retrouver la Formule 1. Et donc ce sera Miami au programme, qui rentre au programme d'ailleurs cette année. Autre résultat, ce week-end, c'était en rallye, championnat du monde des rallyes, victoire en Croatie de Sébastien Ogier, qui était présent pour l'occasion sur Toyota, le Français qui s'impose devant Elfie Evans, le Britannique, et Thierry Neuville termine troisième et qui garde la tête du classement d'ailleurs pour 6 petits points face à Elfie Evans, le Britannique, qui est deuxième. Prochain rendez-vous pour les rallyes, ce sera au Portugal à partir du 9 mai prochain. Donc là aussi, grosse trêve avant de retrouver eh bien le rallye. Et puis en MotoGP, ce sera la reprise puisqu'il y avait aussi une petite coupure. Ce sera l'Espagne au rendez-vous de dimanche, le Grand Prix d'Espagne, avant de retrouver mi-mai, le 12 mai, le Grand Prix de France, voilà, qu'on aura l'occasion de représenter bien sûr, mais en tout cas dimanche, Grand Prix d'Espagne pour la MotoGP. Autre chose, tout à fait autre chose, avec du handball. Et résultat, dans Star League, c'était la 25e journée que l'on jouait la semaine dernière. Saran recevait dans un match de prestige Nantes à la Comet Arena pour un beau rendez-vous avec un beau show ensuite après le match d'ailleurs. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu de surprise. Saran s'incline logiquement 36-30. Les autres résultats, avec la victoire de Paris à Cesson-Rennes 27-24. Et puis important, c'était le match entre Créteil et Dijon. Créteil, le plus proche poursuivant de Saran, qui pouvait en plus, en cas de succès et de défaite de Saran, reprendre cette première place pour en tout cas être sauvé à cette 14e place, hein, être non relégable. Et Dijon qui était dernier, mais c'est bien Dijon qui a fait la belle opération en allant s'imposer en plus avec la manière à Créteil, donc 33-27. Donc le classement, il est encore plus serré maintenant, puisque Saran est 14e avec 11 points. Dijon et Créteil sont derrière avec 10 points. Voilà, c'est ultra serré. Et il va rester encore quelques rendez-vous très importants, encore 5 rencontres pour essayer de rester toujours avec ce point d'avance. Ça va être l'objectif. Évidemment, 26e journée, on la présente tout de suite, ce sera jeudi, en tout cas pour Saran, qui se déplacera à Toulouse, 4e du classement. Là, encore un gros morceau pour Saran, hein, encore un gros morceau à se coltiner. Et puis pour les autres poursuivants, donc Créteil jouera vendredi, ce sera à Ivry, 13e. Donc voilà, c'est peut-être pour Créteil le meilleur adversaire. Ivry qui est 13e, qui est juste devant, qui a un petit peu d'avance, donc qui même si qui n'est pas sauvé, mais qui a en tout cas un petit matin d'avance à la 13e place. Et enfin pour Dijon, eh bien Dijon de son côté va recevoir Chambéry, 6e. Donc là aussi, ça va être compliqué pour Dijon, mais en tout cas peut-être Créteil qui peut faire une opération en allant jouer à Ivry. Saran aura joué, hein, on rappelle qu'il jouera jeudi, alors que pour Créteil et Dijon, ce sera vendredi. Donc les rendez-vous importants. Et puis il y aura le Paris Saint-Germain qui jouera face à Dunkerque pour clôturer la semaine donc de championnat. En tout cas, voilà, important. Et puis si on va un petit peu plus loin, on aura ensuite pour Saran réception de Montpellier, hein, 3e. Donc c'est vrai que le calendrier est pas favorable, hein, clairement pour Saran. Mais voilà, il faudra tout donner, en tout cas espérer au maximum pour rester toujours sur cette place là hein, et pour l'instant sur un 16 éjectable, mais pour l'instant ça tient toujours pour Saran. Autre résultat du week-end, voilà pourquoi la journée avait lieu en semaine, puisqu'il y avait la finale de la Coupe de France samedi, tout simplement, entre les deux meilleurs du classement actuel, et la même finale d'ailleurs que chaque année quasiment, hein, entre le Paris Saint-Germain et Nantes. La surprise, si c'en est une, la victoire de Nantes, qui a donc battu le champion sortant, victoire 31-23, en plus avec une belle manière. Et Nantes qui gagne sa 3e Coupe de France en s'imposant donc face au PSG. Voilà, donc en tout cas Nantes qui a survolé le match, hein, dans tous les compartiments du jeu, et qui a été encore très très fort sur ce coup-là, et qui s'impose et qui garde son trophée, hein, du coup, hein, puisque c'était Nantes qui avait remporté le titre en coupe l'année passée, alors que Paris Saint-Germain et champion sortant, champion de France, mais qui n'est pas encore tout à fait assuré de l'être, de le conserver, puisque Paris n'a que 3 points d'avance, hein. Tout est encore possible pour le championnat, même si en tout cas le plus dur peut-être est fait pour le Paris Saint-Germain, puisqu'il restera encore derrière quelques adversaires, mais largement à la portée du PSG. pour conserver son titre. En championnat toujours, en handball toujours, en Ligue des Champions, on a les quarts de finale qui arrivent cette semaine. Ça sera donc pour Montpellier et pour le Paris Saint-Germain. Montpellier jouera le premier, hein, qui jouera mercredi. Réception donc de Kiel, les Allemands à 20h45, donc mercredi. Le PSG jouera le lendemain, jeudi, qui sera aussi à la maison face au FC Barcelone. Belle affiche, avec derrière beaucoup de Français qui vont se croiser, hein, évidemment, beaucoup de joueurs d'équipe de France. Ce sera donc à 20h45. Et puis la semaine prochaine, donc les matchs retour qu'on représentera donc lundi prochain. Ça, ce sera donc pour les hommes et puis pour les femmes là aussi. Cette semaine, rendez-vous, donc ce sera ce week-end. En revanche, pour les femmes, rendez-vous des quarts de finale. Ça, bah, ça concerne uniquement Metz, hein, qualifié pour ces quarts de finale, qui donc jouera d'abord l'extérieur. Peut-être l'avantage, hein, de recevoir au retour. Ce sera dimanche, déplacement à Bucarest, à 16h donc. Et puis la semaine prochaine, donc, Metz recevra cette fois pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Autre, parce qu'on parle des filles, les Panthères de Fleury qui sont quasiment assurés de rester classement après sa victoire importante. Hein, c'était ce week-end, victoire importante dans son championnat, dans sa catégorie. On rappelle que les Panthères sont redescendus, hein, après le dépôt de bilan l'année passée, et qui redémarrent du coup très très loin, hein, mais évidemment on le savait, en National 1. Mais voilà, l'important était au moins de se maintenir cette année, et en tout cas c'est quasiment chose faite pour les Panthères, qui devraient rester dans cette National 1 l'année prochaine. Après donc ce succès, je le disais, important, réception de Chambray les Tours, hein, qui était le derby samedi dernier, victoire 31-28. Il reste encore 3 journées, mais avec cette victoire, voilà, ça rend à quasiment assuré son maintien. Donc bonne nouvelle pour elle, et pour rester en tout cas sur cette division l'année prochaine, et on espère retrouver un jour les filles au plus haut. Ce sera en tout cas évidemment l'objectif à terme pour toutes les filles de Fleury. Voilà pour être complet sur le hand, et on termine juste avec Gien aussi en National 1, mais cette fois garçon. Gien qui s'est incliné cet samedi à l'extérieur face à Saint-Marcel-Vernon, 27-20. Et Gien est 12e avec 2 points de retard sur la 11e place, et qui est donc relégable, mais il reste encore 3 matchs. 3 matchs pour essayer de se sauver. Le match important, il sera samedi. Réception samedi à 20h de Ivry, qui est juste devant. Une victoire permettrait de recoller. Donc le match important, il est samedi donc pour les Génois, et pour essayer tout simplement de se sauver dans cette saison et rester là aussi en National 1. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr la semaine prochaine. Voilà pour le hand, on essaie d'être le plus complet possible en tout cas. On va poursuivre avec donc du basket, hein, avec là aussi les coupes d'Europe. Juste avant un mot en championnat, puisque cette semaine c'est la 32e journée, on est quasiment à la fin de la saison régulière. Monaco qui est toujours en tête, hein, ça bougera pas en tout cas. Ça c'est certain, et qui posait une belle avance en plus au classement, mais encore 3 matchs donc à jouer avant de clôturer cette saison régulière, et en tout cas on parlera des playoffs ensuite, qui arrivent à grands pas. En Pro B, la saison régulière aussi arrive bientôt à son terme, encore 3 matchs. Alors Léon fait un grand pas en s'imposant à Lille samedi, c'était à Comet Arena, 96-87, qui permet à Orléans d'assurer les playoffs, ça y est. Et maintenant qui aura en tête aller chercher la 3e place peut-être du classement de saison régulière pour avoir un tirage plus favorable en quart de finale. En tout cas, il n'y a qu'une victoire de retard, hein, sur Boulazac et Rouen qui sont juste devant. Donc tout est jouable, à condition de faire le meilleur résultat dans les 3 dernières journées. Dimanche, déplacement à Évreux. Évreux 17e, hein, avant-dernier, donc là il faut victoire impérative, hein, évidemment, pas laisser des points en route. Ensuite il y aura un match très important face à Boulazac le vendredi 3 mai, ce sera à domicile, ça c'est bien. 3e, donc une victoire pourrait à ce moment-là peut-être permettre de repasser devant. Et ensuite il y aura un dernier match, réception de Aix, Maurienne 15e, il y aura aussi dans les mal classés, donc bah, il y a deux adversaires qui sont largement à la portée des Orléans et ce sera des victoires impératives. Et puis il y aura le match face à Boulazac pour espérer aller chercher la troisième place. Et ensuite, c'est trop loin pour les deux premières places. Elles sont déjà jouées pour La Rochelle et pour Vichy qui ne bougeront pas de ces classements. Et puis en plus, ensuite, on parlera bien sûr des playoffs et savoir un petit peu comment ça fonctionne. On vous expliquera tout. En Coupe d'Europe, l'Euroleague, eh bien, on connaît, ça y est, les affiches des quarts de finale après que les plays ont eu lieu la semaine dernière. Les qualifiés, donc les derniers qualifiés qu'on attendait, Maccabi Tel Aviv, Bologne et Victoria se sont qualifiés et donc rejoignent les autres en quart de finale. Donc on connaît les affiches. Monaco affrontera le Fenerbahçe qui a terminé 6e du classement de saison régulière, hein, on le rappelle. Voilà, on aura donc Panathinaikos face à Maccabi Tel Aviv, Real Madrid Victoria et FC Barcelone Olympiakos. Voilà les qualifiés. Il n'y a pas eu de grand chamboulement en fait avec ces play-in, hein, si ce n'est que Bologne s'est qualifié alors que Bologne était 10e. Voilà, c'est l'équipe qui a fait la belle opération de ces play-in, pardon. Donc voilà, on connaît donc les affiches de ces quarts de finale donc de cette Euroleague, de cette grande coupe, hein, voilà, qu'on va retrouver. Pour Monaco, bah, ça sera dès cette semaine en fait, hein, ça va arriver très vite puisque c'est mercredi à 19h. Donc ce match, il y aura donc au moins deux matchs, hein, minimum. Donc on vous rappelle, c'est au meilleur des trois matchs. Donc mercredi, d'abord, on aura donc la réception de Fenerbahçe et il y aura un autre match vendredi, hein, pour Monaco et on espère, bah, évidemment que ça va passer et aller chercher. Bah, une demi-finale qui serait historique pour Monaco, ce sera évidemment l'objectif de cette Euroleague. On espère évidemment bah, que ça va passer. En tout cas, c'est une grosse saison pour Monaco, donc voilà, on espère que ça va passer. Au meilleur des trois matchs, pardon, au meilleur des cinq matchs. Je vous ai dit trois matchs, au meilleur des cinq matchs. Hein. Donc les deux premiers matchs seront à la maison pour Monaco. L'avantage d'être mieux classé. Donc mercredi et vendredi. Ensuite, tu auras deux matchs la semaine prochaine, ça c'est sûr. Ce sera le 1er mai et éventuellement le 3 mai si besoin. Et il y aura un cinquième match peut-être à faire, mais en tout cas, si les trois premiers sont remportés, bah, ça suffit pour se qualifier. En tout cas, mais on verra ça, tout ça. En tout cas, c'est sûr, cette semaine, deux rencontres, donc mercredi et vendredi, pour aller chercher, bah, on espère, les demi-finales au bout de cette compétition. Voilà pour l'Euroleague. Les autres coupes, ça y est, c'est fini. On en avait parlé, hein, l'Eurocoupe victoire à titre pour le Paris Basket, ça c'était déjà acté. Et puis sinon, dans les chez les filles, là aussi c'est fini, hein, que ce soit l'Euroleague ou l'Eurocoupe, c'est terminé. Donc on attend maintenant Monaco qui va jouer pour aller chercher cette demi-finale et peut-être aller plus loin, on espère en tout cas. En NBA, là aussi, les playoffs, ça y est, c'est parti. Donc avec notamment les premiers matchs qui ont eu lieu dans toutes les séries. Hein, c'est, donc tous les clubs à domicile ont gagné. C'est le cas pour l'Est d'abord, Cleveland qui a battu Orlando, New York qui a battu Philadelphie, Boston qui a battu Miami et enfin Milwaukee qui a battu Indiana. Et puis à l'Ouest, c'est la même chose. Minnesota recevait Phoenix victoire. Même chose pour Denver qui a battu les Lakers. Pour les Clippers qui sont imposés face à Dallas. Et puis Oklahoma City qui a battu la New Orleans. Donc toutes les équipes à domicile ont gagné. Donc bah, maintenant place au match 2. Toujours à domicile pour les équipes qui ont reçu la première fois. Donc les matchs qui auront lieu, eh bien là, cette nuit. Ça y est, c'est match 2 cette nuit pour en tout cas la conférence Est et puis la conférence Ouest sera la nuit suivante. Voilà pour les matchs 2 de ce premier tour. Donc et on rappelle là au meilleur des 7 matchs. Donc ça peut être très long. En tout cas, ça va être très long pour arriver au bout, ça c'est certain. Donc pour la NBA. On referme cette page basket et on poursuit avec du rugby maintenant. Rugby, là, les playoffs, c'est pas encore, mais ça va pas tarder. Hein. Il reste encore 4 matchs, c'est ça, 4 journées encore à jouer. Le classement pour l'instant, il n'a pas bougé puisque le Stade français reste leader, 67 points. Toulouse, 61 points, deuxième, ça devrait normalement rester comme ça. Le Racing, 57 points, on n'est pas très très loin. Toulon, quatrième, 55 points. Bordeaux-Bègles, 54. La Rochelle, 52. Pour l'instant, c'est les 6 qui seraient qualifiés pour les playoffs. Et puis ensuite, ceux qui peuvent encore y croire, Pau, Perpignan, Castres, à la 49. Et puis Bayonne, avec 44, qui est un peu loin. Pour le coup, Oyonnax, c'est fini. Et puis Montpellier aussi, ça va être compliqué pour rester en tout cas directement en top 14. Sinon voilà, ce week-end uniquement le Racing qui s'est imposé à l'extérieur à Oyonnax. Sinon toutes les autres équipes qui recevaient se sont imposées, et notamment Bordeaux qui a battu largement Clermont hier en clôture, 41-7. Et puis on peut parler aussi de ce Toulon-Toulouse, belle affiche où Toulon s'est imposé pour un point, 20-19. Donc pas de chamboulement au classement. Et donc il nous reste maintenant à partir de samedi, 22e journée. Et on terminera le week-end avec La Rochelle Toulon dimanche. Et puis la veille, Clermont Stade Français, ce sera le match donc de samedi soir. Et puis on retrouvera aussi bien sûr dans quelques semaines. Ce sera même très vite, c'est la semaine prochaine en fait. Le week-end du 3 et 4 mai, enfin 4 et 5 mai, demi-finale des Coupes d'Europe. On retrouvera, on le rappelle, Toulouse, unique qualifié en demi-finale de la Champions Cup. Et puis dans l'autre compétition, la Challenge Cup, c'est clairement donc l'unique qualifié des demi-finales. On espère les voir plus loin. C'est parti en Italie, et le match que l'on va suivre, le derby entre le Milan et l'Inter. On rappelle que l'Inter, en cas de victoire, serait titré. Voilà, c'est l'un des enjeux de ce match. Donc 10e minute, 0-0. Et puis dans quelques petites minutes, dans 3 minutes, ce sera parti entre Séville et Mallorca. Ça, c'est une lutte pour le maintien, tout simplement, même si Séville a une belle avance. Mais en tout cas, pour Mallorca, il faudrait prendre des points. Et on aura aussi en national le match entre Sochaux et Niort. Pour Niort, l'enjeu d'aller récupérer 3 points supplémentaires d'avance sur la 3e place. On en aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et avant de parler de foot, juste après la pause du tennis avec la victoire, on le disait, en ouverture de Casper Ruud qui s'est imposé, le Norvégien, en s'imposant face à Stefanos Tsitsipas. Finale à Barcelone, 7-5, 7-6 le score, assez logique dans la rencontre, en tout cas dans cette rencontre qui a lieu. Donc victoire pour Ruud qui remporte son premier TP 500, hein, puisque jusque-là il avait remporté que des 250, donc premier titre important remporté ce week-end par Casper Ruud donc à Barcelone. Cette semaine, pas de tournoi majeur en tout cas à noter, mais à partir de mercredi, ce sera mercredi, Madrid, ça démarre mercredi, puisque maintenant ça y est, ces Masters 1000 là ont lieu sur 10 jours, donc ça démarre mercredi avec donc Yannick Sinner à la tête de série numéro 1. On aura Carlos Alcaraz qui fera son retour puisqu'il avait été absent pour cause de blessure depuis deux tournois, hein. Donc Novak Djokovic a fait l'impasse comme l'année dernière d'ailleurs, il sera uniquement présent à Rome avant Roland Garros. On aura chez les Français présents Adrien Manarino, d'ailleurs qualifié directement pour le deuxième tour. On aura, puisqu'il est tête de série, on aura également Luca Van Hach, Gaël Monfils et également Hugo Humbert qui sera également présent, et Arthur Hinderneck. Donc voilà pour les Français présents cette semaine à Madrid, enfin pendant ces 10 jours. Alexander Zverev qui sera là aussi tête de série numéro 4. Casper Ruud aussi sera là, Medvedev également. Voilà, et du classique finalement, Urban Rokac aussi, assez sain, assez classique ce tableau. Très peu d'absents, hormis, je le disais, Novak Djokovic, mais ça, on le savait, on s'en doutait un petit peu. Holger Rune aussi. Donc, voilà le tableau Madrid cette semaine. Voilà pour le classement, donc pas de changement majeur. Casper Ruud 6e désormais, Stéphane Soutis passe 7e, Rublev qui perd une place, il est 8e. Mais sinon, pas de changement. Alcaraz donc 3e, hein, il n'est plus 2e puisque il a perdu des points depuis depuis ses blessures, mais sinon pas de chamboulement dans ce classement. Et chez les dames, eh bien on a comme une demi-finale, c'était pour Caroline Garcia, mais battue à un demi-finale donc à Rouen face à Stephens, l'américaine. Mais voilà, deux demi-finales pour la française cette semaine. Là aussi, ce sera Madrid, hein, également. Ça démarrera demain avec Gaziantep, la numéro 1 mondiale, Sabalenka. Chez les filles, Clara Burel, Caroline Garcia sera là aussi. C'est tout. Seulement, c'est deux françaises qui seront présentes à Madrid. Et du côté du classement, là aussi, pas de changement à noter dans ce top 10. Voilà donc pour le tennis, ce qu'on pouvait en dire ce soir. Et puis à noter que enfin Nadal aussi sera présent à Madrid. Je vous l'ai pas dit, mais oui, il sera présent à Madrid. Il sera opposé. On connaît maintenant son adversaire, un jeune américain, Darwin Blanch, qui a 16 ans seulement, hein, et qui est 1028e au classement ATP, hein, il est au-delà des 1000, mais il sera présent, il s'est qualifié pour le tableau principal, donc il sera bien là. Et donc Nadal qui sera opposé à cet adversaire, voilà, on espère que ça va passer pour l'Espagnol. Voilà, battu à Barcelone au deuxième tour, on rappelle, pour son retour à la compétition. Et là, il aura un jeune adversaire en face, assez loin au classement, mais on espère que ça va passer pour l'Espagnol. On en reparlera bien sûr très vite. Et puis on rappelle que Nadal aussi sera présent, il l'a annoncé, à si tout va bien on espère, à l'Ever Cup en septembre, tournoi donc organisé par Roger Federer, et qui sera peut-être son tournoi d'adieu, voilà, comme l'avait été celui de Federer il y a deux ans. Et voilà, peut-être finir sur la même chose, donc on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr, une pause, et puis juste après, on retrouve Hugo pour le foot et tout ce débrief alléchant qui nous attend. Pour le son, c'est tout de suite avec Sand of Legends, c'est Amso Isaki. exciting à l'instant pour eh bien cette deuxième pause et bah tout de suite eh bien c'est l'heure d'accueillir Hugo avec nous qui nous rejoint pour le débrief foot. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Bah parfait, écoute, impeccable. On est dans les temps pour le débrief foot puisque on a quand même pas mal de choses à faire. Hein. Ouais. Pas mal de choses, Coupe d'Europe, championnat. T'as pas pu le dire du coup, mais je regarde du coup Milan oui. Contre l'Inter, ouverture du score de l'Inter, 1-0 but d'Acerbi. C'est ça, c'était pendant la pause, donc l'Inter voilà. Pour le moment est champion, grâce c'est à ça, ce but. Ouais. Mais voilà, il va rester encore beaucoup de temps, mais pour le moment c'est un résultat qui suffirait. Même si voilà, c'est fait, hein, mais ça pourrait être officiel dès ce soir. Et en plus, quoi de mieux que de le faire contre le Milan AC. Derby, ouais. Et ouais. C'est sûr. À la maison, presque à la maison. Ouais, parce que ce soir, c'est San Siro, c'est pas Giuseppe Meazza. Oui, c'est ça. Donc, bon. Voilà, on va suivre ce match. On va suivre aussi Séville Mallorca. C'est parti depuis 4 minutes. Donc pour la Liga et là, c'est pour un autre enjeu. Hein. C'est pas pour le titre, c'est pour le maintien. Pour Mallorca, pour Séville, c'est presque fait. Et puis en national aussi, Sochaux-Niort. Pour Niort, l'enjeu c'est de gagner pour espérer rester deuxième avec 5 points d'avance sur la troisième place. C'est important puisque les deux premiers seulement montent, on rappelle, en Ligue 2. On en parlera donc tout à l'heure. En Italie aussi, Bologne qui a fait quasiment un pas de géant vers la Ligue des Champions tout à l'heure. Ouais, exactement. Ouais. Victoire 3-1, et on va en parler juste après, mais effectivement, ouais. Face à la Roma. On va en parler, mais aussi il y a un petit peu de changement, au niveau des qualifiés en Ligue des Champions, puisqu'on le sait maintenant. Bah, on va en plus parler de la Ligue des Champions, ça tombe bien. Mais les deux meilleures nations de la saison vont avoir un cinquième participant l'année prochaine. Donc ça c'est important et du coup ça va. Alors ça sera pas la France. Voilà, maintenant, même si... Dès le classement de cette année ? Voilà, en fait, il y a toujours le classement qui court sur plusieurs saisons, mais maintenant, désormais, avec la nouvelle Ligue des Champions, les deux meilleures nations de la saison en cours, eh bien, ça donnera une cinquième place européenne. Donc ça, c'est important, et du coup, ça va permettre d'avoir 5 qualifiés pour deux nations. Donc, pour l'instant... Ouais. C'est un peu n'importe quoi, encore avoir 5 anglais, 5 espagnols. Alors, il y aura pas, pour le coup, pour l'instant, il s'agit d'Italie, donc, qui a validé, je crois, ça y est, sa place grâce au résultat des quarts de finale, donc, ça donnera 5 qualifiés. Donc, la Roma, pour l'instant, il est toujours, hein, malgré sa défaite, mais bon, il y a des poursuivants, on en parlera. Et, pour l'instant, il y a aussi l'Allemagne qui est en course. Voilà, c'est pas fini. Hein, ça va... les deux meilleures nations de quoi ? De Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, c'est quoi ? L'indice UEFA en fait. Et là, sur cette saison, l'Italie est dans les deux premiers. Pour l'instant, l'Italie, ouais. Ah ouais. Oui, bon, il reste encore des participants en Ligue Europa, mais et en Conférence Ligue, mais bon, enfin bon, d'accord. Ouais, ça peut rebouger. Donc pour la Serie A, donc c'est 5 billes, hein, ça c'est sûr. On disait Bologne qui serait bien parti, et puis donc pour la Roma ça peut encore bouger, mais pour le reste ça va encore changer, hein. Donc voilà, on pourra d'ailleurs en reparler après les demi-finales, puisqu'on aura vraiment le classement final, donc en tout cas pour l'instant l'Italie c'est fait, et il reste une place pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour l'Angleterre, mais pour la France ça va être trop juste, même s'il y a encore deux qualifiés, on part de trop loin. Voilà, donc en tout cas justement la Ligue des Champions, c'était le programme de la semaine en partie avec les deux quarts de finale retour qu'on attendait beaucoup, hein, de ces quarts de finale retour. Avec d'abord mardi, on va revenir chronologiquement mardi, donc le Paris Saint-Germain qui joue le premier face FC Barcelone, et on a eu ce match qui a été un peu particulier, en tout cas dans le scénario. Au départ on a cru que ça allait être vite terminé avec un but assez rapide à 12e minute, et en fait le Paris Saint-Germain est revenu un peu tardivement, en fin de première période, mais qui a vite déroulé ensuite et qui a, on peut le dire, qui a écœuré le Barça en fait en deuxième période, tout simplement. Et avec ce fait de jeu, bah, évidemment, qui a été le carton rouge en première période, qui a tout changé. Hein. Ouais, on s'attendait évidemment à un match fou, mais pas forcément avec ce scénario-là. Et ouais, comme tu dis, évidemment, le carton rouge a été le tournant de ce match juste avant la demi-heure de jeu. Ouais, comme tu le disais, quand le Barça ouvre le score à la deuxième minute par Rafinha qui encore lui marque. Voilà, même moi, j'ai devant ma télé, j'ai souri un peu jaune, ironiquement. Je dis bon, on va passer une bonne soirée, c'est sympa. Et puis à ce tournant, ouais, il y a cette grosse erreur en vrai de Araujo qui fait cette faute, alors que vaut mieux limite aller laisser Barcola tenter sa chance devant le but, mais rester à 11 derrière, parce que finalement c'est vrai que quand il reste autant de temps dans un match comme ça, tu laisses tes coéquipiers comme ça à 10 contre 11, c'est sûr que ça va être compliqué pour la suite, et puis ça l'a été quoi. Après le PSG a su tirer du bénéfice à cette situation là avec Dembélé tout d'abord avant la mi-temps qui vient claquer cette espèce de reprise on va dire sous la barre. Et puis après c'était parti, un excellent but de Vitinha aussi sur une combinaison sur corner, et puis Mbappé qui va plaquer un doublé malgré encore une fois je trouve une apparition assez pas fantomatique mais on va dire quand même un petit peu transparente, mais au moins il a le mérite d'être là, de marquer son penalty, de marquer ce dernier but aussi pour vraiment clouer le spectacle quoi. Et puis voilà, Paris a fait le job quand même quand il l'a fallu. Après, il y a une erreur aussi sur penalty justement d'Mbappé. C'est une grosse erreur également de Joao Cancelo. Parce que si tu te rappelles, Rémi, si on se rappelle, c'est Dembélé qui reçoit un ballon à l'entrée de la surface côté droit. Oui. Dembélé, il manque son contrôle en réalité. Donc ça fait qu'il ressort un peu de la surface quasiment. Et il arrive à remettre ce pied sur le ballon d'Dembélé. Et Cancelo ne doit jamais tacler là-dessus parce qu'au final, il n'y a pas réellement de danger. Non, c'est ça, il n'y a pas de danger. Donc c'est pareil, c'est une grosse erreur de Cancelo. En réalité, c'est plus, pour moi, dans ce match-là, c'est quand même beaucoup plus le Barça qui se met en difficulté tout seul. Enfin, on va dire ça comme ça. En tout cas, par deux erreurs individuelles, je trouve, et qui donnent un peu cette victoire au PSG, même si, encore une fois, le PSG a fait le taf quand il fallait. Ils ont fait le taf avec cet avantage-là en étant en supériorité numérique. Mais voilà, des grosses erreurs d'Araujo et de Cancelo. Mais encore une fois, à signaler aussi un énorme match de Barcola, de Vitinha, encore une fois, notamment, hein, mais c'est vraiment les pieds de Dembélé aussi, quand même, faut le dire. Mais encore une fois, Barcola a montré qu'il était vraiment dans une très grosse forme qu'il aurait potentiellement sa place, en tout cas, à l'Euro, peut-être. Ouais, de France, surtout, avec la blessure de Coman, si des fois il sera pas assez rétabli. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses concernant Barcola, toi, mais... Oui, puis j'allais dire, oui, on en parlera tout à l'heure avec le match d'hier, mais qui a encore été énorme. Ouais. Et, ouais, clairement, il a sa place, alors peut-être pas en titulaire, en l'occurrence, mais en tout cas, il a largement sa place, je pense, pour être dans les 23, ouais. Pour moi, ouais. Ouais, je pense qu'il... déjà, oui, je pense qu'il a sa place dans les 23, évidemment. Je pense qu'il peut... Alors, ça dépend... le système de jeu un petit peu de Deschamps, c'est vrai, faudrait essayer de le voir un petit peu dans les matchs de préparation avant l'Euro, s'il est sélectionné du coup, mais c'est vrai que pour moi s'il est pris, il pourrait peut-être avoir son mot à dire quand même sur sa place de titulaire, même si on sait que Deschamps est attaché à Dembélé etc, mais pour avoir son mot à dire, en tout cas pour revenir sur ce match du PSG, voilà, le job a été fait. Je regarde un peu si j'ai pas d'autres choses à dire. Enfin, je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose, Rémi, sur ce match-là. Non, ils ont bien réagi. C'est vrai que après l'ouverture du score rapide, on va pas se gâcher. On est beaucoup à s'être dit que ça allait être encore une année, encore la même chose, quoi. Encore la même chose qui allait se reproduire. Et bon, c'est vrai que le carton, il a clairement changé le match. Et ça, mais en tout cas, c'est pas la faute du PSG hein, s'il y a eu ce carton rouge. Hein, c'est le Barça qui s'est pris ce rouge tout seul. Et voilà. En plus, Barcola a été très intelligent, c'est vrai. Alors, bon, non seulement il a sa qualité de vitesse sur cette action-là, sur ce carton rouge, mais il a vraiment, un peu au dernier moment, il passe l'épaule devant Araujo, ouais. Et il va vraiment mettre le pied sur le ballon aussi, ce qui fait que Araujo, il n'a pas d'autre choix. Il aurait pu, encore une fois, le laisser filer au but, mais il l'attrape avec le bras, mais en vrai, tu regardes l'action, il n'y a pas une grosse faute. mais il met quand même le bras sur l'épaule de Barcola, il le retient un peu. Et puis voilà, ça vaut son rouge. Hein. Oui, Aroro, après, auprès de l'arbitre, il essayait de se défendre en disant qu'il y avait encore Koubarsi en dernier défenseur, donc c'était pas lui le dernier défenseur, donc ça méritait pas rouge. Mais Koubarsi, oui, était là, mais il était beaucoup plus loin, beaucoup plus à droite par rapport à l'action. Barcola, s'il l'avait laissé passer, il allait tirer au but. Donc déjà, son excuse ne valait rien. Quoi. Oui, clairement, c'est sûr. Mais après, voilà, après ce rouge, ils ont été intelligents, pareil, ils ont joué comme il fallait jouer, et même après le 3-1, ils ont pas lâché. On aurait pu se dire, voilà, comme ça arrive souvent, on lâche un peu le jeu et on laisse défiler. Et non, ils ont continué d'attaquer, et c'est vrai que ce dernier but à la 89e, il symbolise ça, c'est qu'ils ont pas lâché, ils auraient pu le laisser filer à 3-1. Et non, ils ont continué à attaquer. Et bon, ça, c'est bien. Ça fait longtemps que on n'a pas vu un PSG comme ça en Ligue des Champions. Et cette bonne augure pour les demi-finales, même si ça va être compliqué, hein, on va en parler. Mais c'est bien. En tout cas, ça donne des bonnes choses pour la suite. En fait, le quatrième but du PSG sur cette contre-attaque, Mbappé, la première, il la loupe hein, quand même. C'est rare d'ailleurs. Bah, on n'est plus trop habitué, on n'est pas habitué depuis bien longtemps à le voir louper ce genre d'occasion-là. Et c'est vrai qu'on sent que depuis quelques semaines, il est un petit peu en deçà de ses performances de base habituelles. Et c'est vrai que quand je revois cette action-là, je me dis quand même, il la font place au gardien, alors que oui, il nous a toujours habitués à terminer cette action-là. Quoi. D'habitude, il les met toujours, c'est vrai. Alors il a marqué deux, mais bon, il y a un pénalty, puis il y a ce deuxième but. C'est pour ça que je dis ça, il aura quand même été pour moi encore une fois en dessous de ses performances auxquelles il devrait faire en fait par rapport au joueur extraordinaire qu'il est. Mais bon, voilà, je lui redonne quand même le mérite d'avoir marqué ce deuxième but aussi un peu en tant que renard de surface. Le ballon revient sur lui avec de la chance, puis bon, il va quand même le mettre, tu vois. Et puis pareil, le penalty, c'est quand même le penalty de la qualif, faut aller le mettre aussi. Oui, bien sûr. C'est pas chez toi. Ça a été voilà. Long en plus. Il y a eu un peu de temps qui s'est passé. Il aurait pu dans la tête, ça aurait pu être compliqué, mais non, il a. Bon, c'est bien joué, hein, c'est bien joué. Et puis bon, dire aussi que sur ce coup-là, sur ce match retour, Luis Enrique aura fait que des bons choix, je trouve, autant déjà sur les titulaires que même on va dire dans ses remplacements. Donc en tout cas, très bon choix, des très bonnes performances, on va dire du coach parisien aussi. Quoi. Oui, c'est vrai que sur ce coup-là, on l'a beaucoup décrié, mais sur ces choix-là, sur le match aller, il y avait des choses à redire. Quoi. Oui, là vrai. Pour le coup. Là non, ça a été bien joué. Et juste un petit mot aussi rapide sur Xavi de l'autre côté. Oui. Xavi qui a complètement pété les plombs contre sur son banc et ce problème-là. Et c'est là qu'on voit que alors peut-être Xavi ne sera jamais un grand entraîneur ou qu'en tout cas il ne l'est pas encore. C'est que dans ces moments-là, même si ton équipe, tu vois qu'elle lâche, tu vois qu'elle a 10 contre 11 dans un contexte défavorable, tu dois pas péter les plombs comme ça parce que tu donnes vraiment le mauvais message à tes joueurs sur le terrain et un mauvais sentiment finalement. Parce que si toi, t'es stressé, t'es énervé au bord de la pelouse, tu leur redonnes quoi aux joueurs? C'est pareil. Donc je pense que Xavi, il a aussi sa part de responsabilité dans ce déclin-là du Barça malgré les faits de jeu. Mais je pense qu'il aurait dû garder beaucoup plus son calme et essayer de raisonner un peu ses joueurs. Quoi. Ça donne pas une bonne image auprès de tes joueurs et du coup, tu transmets ton stress, ton énervement en fait. Il y a aussi un de ses adjoints aussi qui a été exclu. Il y a un autre qui a pris un jaune. Enfin, c'est pas bon du tout pour l'image, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y avait encore de l'espoir, on va dire, en Espagne et partout dans le monde, mais sur le fait que finalement Xavi pourrait rester au Barça l'année prochaine, malgré le fait qu'il ait dit qu'il partirait. Mais là, voilà, avec encore une fois cette élimination-là, ce carton rouge pour lui, etc., etc. Et puis, on va en parler tout à l'heure, et le Classico de ce week-end, oui. Là, on est sûr que non, ça y est, Xavi sera plus là, il sera plus sur le banc catalan la saison prochaine. Ouais. Ok, on reparlera du PSG tout à l'heure. Tiens, juste une info puisqu'on en parle. Reprise pour Kimpembe. Ça y est, il a repris individuellement enfin. Un peu qu'il avait été repéré de tournoi Achille en début d'année. Hein. Donc ça y est, il a repris les exercices individuels avec le ballon. Ça y est, donc première étape pour le Français. Voilà, qui sera pas de retour évidemment tout de suite, mais. En tout cas, ce sera pour l'été. Hein. C'est-à-dire, il sera de retour pour la reprise des matchs amicaux, mais il ne rejouera pas avant. Ça, c'est certain. Et il sera évidemment absent pour l'Euro, ça c'est sûr aussi. Ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas joué là, Plus d'un an, hein. Février 2023, donc ça faisait un peu plus d'un an. Ouais. C'est énorme. Ouais. Ouais, ça filoche. Hein. Ça filoche, comme on dit. et puis donc pour la suite des quarts de finale, on avait également ensuite l'adversaire de Paris, hein, peut-être potentiel en fonction de Paris, ce que Paris allait faire, qui nous intéressait. Ce match, c'était le Borussia Dortmund qui recevait l'Atlético Madrid après la victoire à l'aller de Madrid 2-1. Et match fou aussi, hein, donc en Allemagne, avec sa victoire 4-2, c'était des buts par paire, hein, souvent, et qu'il y a eu en tout cas pour Dortmund. Et aussi d'ailleurs pour Atletico, hein, deux buts, et assez fou. Et finalement, pour Atletico, c'est cruel encore, et ça s'arrête là. Et pour Griezmann aussi, c'est cruel encore. Et ça sera pas pour cette année. Ouais, honnêtement, moi j'avais pas de préférence. Enfin, j'ai évidemment aucune préférence entre ces deux équipes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse et j'aime beaucoup le joueur qu'est Griezmann. Donc c'est vrai que ça me peine un peu, pour lui, encore une fois, de pas aller plus loin, de pas aller chercher un trophée plus que majeur, on va dire, avec son club. Bon, il a gagné l'Europa League en 2018 avec, oui, mais pas pareil, vraiment, ouais. Voilà, au moins essayer de faire un gros parcours en Ligue des Champions avec l'Atlético, et pourquoi pas aller chercher le titre, même si on savait que ça allait être compliqué à un moment, mais l'Atlético, comme tu dis, il y a eu ses débuts par paire, donc Dortmund a vraiment bien pris, on va dire, ce match, on va dire, dans cette première période où il gagnait 2-0 à la mi-temps. Et puis il y a eu ce coup de moins bien durant les 20 premières minutes de la seconde période où l'Atlético revient à 2-2 dans ce match-là, et où l'Atlético tout simplement mène 4-3 sur les deux matchs. Et puis un sursaut d'orgueil, un coup de boost de la part de Dortmund. Alors je sais pas si c'était le stade, le mur jaune, qui a aussi eu cet impact-là, cette magie-là. On connaît comment sont les supporters de Dortmund. Mais voilà, il y a eu un gros match de Sabitzer aussi. Avec un but et deux passes des Sabitzer qui va clouer ce match à 74e avec un quatrième but de Dortmund. Et puis un beau but aussi de Füllkrug juste avant, 3 minutes avant. Donc Dortmund qui a fait le job, comme t'as dit, un match aussi assez dingue et extraordinaire, avec un score fou et des rebondissements, pas mal de rebondissements dans ce match. Un coup c'est Dortmund qui qualifie, un coup c'est l'Atletico, puis re-Dortmund au final. Donc on voit finalement que Dortmund, c'est pas si, pas faible, mais c'est pas une équipe difficile à jouer. Attention, c'est pas pour rien que évidemment ils sont en demi-finale. Et puis faut aller sortir quand même cette équipe de l'Atletico, qui est quand même très souvent bien en place et qui a un caractère assez dingue, assez dur à jouer. Donc très grosse perf quand même de Dortmund, et il va falloir aller les chercher pour Paris d'ici quoi, 2 semaines maintenant, quelques semaines. On a vu les calendriers le 30 avril. La semaine prochaine en fait. C'est ça, c'est mardi prochain, hein, déjà, et le retour aura lieu le 8 mai, du coup le mercredi suivant. Donc ça va arriver très très vite, hein, en fait. Et il y a eu cette petite on savait pas trop si ça allait être le 30 avril ou le 1er mai, ce qui changeait évidemment tout, beaucoup de choses pour le championnat, parce que il fallait après reporter des matchs, enfin c'était compliqué. Donc le 30 avril c'est plutôt mieux pour le PSG au niveau des reports. C'est le 1er mai à Paris, non? Non, c'est j'ai dit quoi? Non, c'est l'inverse. Pardon. Oui, c'est le 1er mai. Pardon, c'est l'inverse. Justement, c'est mieux que sur le 1er mai que le 30 avril, c'est ça. 1er mai et 7. Et ça arrange le PSG, parce que le 30 avril, ça aurait incité à reporter le match de la journée précédente, et c'était compliqué avec la Coupe de France aussi à jouer. Et ça faisait aussi demander des reports auprès des clubs en face, et c'était pas terrible. En tout cas pour le PSG, donc ça tournait plutôt bien ce 1er mai. Finalement, et du coup ce sera Dortmund à l'aller, ce sera en Allemagne, et le retour donc à Paris. Donc c'est plutôt mieux quand même de recevoir un retour quand même. On va toujours dire ça, c'est sûr. Après ça dépend, tu vois, les quarts de finale peuvent nous faire décrier, puisque PSG a perdu contre le Barça à domicile, et puis est venu s'imposer largement à l'extérieur. Après, encore une fois, il y a eu des faits de jeu, notamment sur ce match à l'extérieur. Mais généralement, on va quand même dire que jouer à domicile lors du match retour, c'est toujours mieux. Parce que si des fois, tu as un retard à combler, c'est toujours, entre entre guillemets plus simple, ou en tout cas t'es plus boosté par ton public forcément dans un match comme ça, et on va le voir mine de rien avec l'OM dans quelques instants en Europa League. Donc, c'est toujours mieux quand même, mine de rien, on regarde un peu les statistiques, c'est toujours mieux de jouer à domicile au match retour. Donc voilà, la semaine prochaine on en reparlera lundi, évidemment on représentera le match. Ça bouge en national, ouverture du score de Sochaux donc face à Niort, 1-0, 23 minutes, et sinon tu nous tiens au courant bien sûr pour l'Italie, ça n'a pas bougé. 2-0 pour Sochaux. 2-0, il y avait un but à la 6ème minute de jeu de Zoé. Alors le deuxième je ne l'ai pas encore, alors. T'es sur nos confrères de l'équipe, t'es sur le site de l'équipe. Ah ouais, à l'instant, c'est 2-0, ça y est, je l'avais pas vu. Oui, 2-0, ouais. 24e minute de jeu, ça vient d'arriver. Ok, 2-0. Donc pour l'instant, mauvaise opération pour Niort. Et en Espagne, 0-0 entre Séville et Majorque. Tiens, concernant Dortmund, il y a la confirmation aujourd'hui, tout à l'heure, que Sébastien Haller sera quasiment fait, il sera forfait pour les demi-finales. Donc Ligue des Champions face au PSG, puisqu'il est touché, il a été touché à une cheville le 13 avril dernier, et normalement il devrait pas pouvoir être là pour le match aller, c'est quasiment sûr. Pour le retour, ça paraît aussi assez compliqué. Donc bon, on va passer. L'histoire c'était quoi? C'est que ce match-là où il s'est blessé, c'était sa première titularisation depuis longtemps, et non, c'était pas ça, et il s'est blessé. Il s'était blessé à la cheville déjà à la CAN. Ouais. Et en fait il a rejoué assez vite avec Dortmund, il a été retouché au même endroit contre Mönchengladbach, et du coup il s'est pas remis, et donc là a priori ça a estimé à 3 semaines l'indisponibilité, et même s'il revient avant, ça peut en faire pareil du coup, hein. Ça peut encore retomber sur une nouvelle blessure derrière, donc a priori ça devrait pas, il devrait pas prendre de risque. Et on va pas s'en plaindre évidemment de l'absence de Sébastien Haller, hein, qui est l'Ivoirien, qui est assez fort quand même. Donc ça devrait être le cas donc pour ces matchs-là. Mercredi du coup, on avait aussi des matchs attendus avec d'abord ce retour City Real, hein, avec le match fou qui avait été à l'aller. On attendait évidemment la capacité de ce match retour. Bon, on va pas se cacher, il a été moins exceptionnel que le match aller. En même temps, c'était difficile de faire aussi bien. Et puis, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est vrai que quand le Real a marqué très très vite, après 12 minutes, on a l'impression que le Real a plus joué derrière et très groupé derrière. Et du coup, il a manqué ce qu'il y avait eu à l'aller, où il y avait eu cette folie. Et on a eu un City qui était quand même très maladroit. Hein. Dans les derniers gestes. Et ouais. Du coup, ça donne ce match un peu terne finalement, quand même. Bah forcément, et puis comme tu dis, avec le match aller qu'on a vécu la semaine d'avant, forcément, on avait encore des attentes un petit peu trop flamboyantes, ouais. Mais ça a quand même été un bon match à suivre, mine de rien, mais c'est sûr qu'avec le 3-3 de l'aller, oui, on a été un peu déçus. Mais ouais, comme tu dis, il y a eu ce but rapide de Rodrigo à la 12e minute pour le Real. Et c'est vrai qu'après on a vu un Real presque passif, ou en tout cas ouais, comme tu dis, à se regrouper dans un bloc un peu plus bas que d'habitude. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir justement le Real subir autant dans un match, même contre une grosse équipe comme ça, évidemment, comme City, qui est champion d'Europe en titre. Mais c'est vrai que ça a été assez surprenant. Et il y a quand même ce but de De Bruyne qui libère un petit peu City aussi, et qui permet évidemment de remettre les pendules à zéro. Ouais, de recoller un partout, 76e, mais comme tu dis, City a beaucoup trop raté, a pas assez fait preuve de lucidité, et je pense notamment à De Bruyne, parce qu'après son but, il en loupe au moins une grosse dans la surface, j'ai plus l'action exacte, mais je sais qu'il la met juste au-dessus. Pareil, juste avant, il déclenche une belle frappe enroulée en dehors de la surface, qui passe juste au-dessus de la barre aussi. Il n'y a pas que lui, mais c'est vraiment celles qui m'ont vraiment marqué après le but de City, justement, où De Bruyne il aurait pu vraiment tuer le match. Puis ça soit via les stats, hein, 33 tirs à 8 quand même pour City. Ouais, c'est énorme. Finalement, Real, ils ont joué un quart d'heure et puis ils ont pu tirer. Enfin, je n'ai pas souvenir qu'ils aient retiré après. En prolongation, c'est pareil, ils ont quasiment pas joué, hein, en fait. Non, puis les prolongations, il n'y a pas eu grand-chose en plus. La prolongation, elle a servi à rien, en fait. Ils auraient pu faire tirer plus pareil. Tout de suite, c'était pareil, j'ai l'impression. Ouais, on dirait que à un moment, ça attendait un peu les tirs au but. On s'est dit, tiens, ça joue plus trop. Alors, je sais pas si, enfin, il y a forcément un peu de fatigue, mais c'est vrai que c'était assez, c'est un petit peu étrange à voir, à suivre. Mais bon, quand t'es pour aucun des deux, entre guillemets, comme moi, c'est toujours sympa d'avoir des tirs au but entre deux grosses écuries comme ça. Ouais, tu les vis différemment, ouais, c'est sûr, quand t'as pas un club concerné. Et ouais, bah, cette tir au but, ouais, bah, c'est Sylvain, notamment, c'est Sylvain, surtout, qui était surprenant, hein. C'est un tir au but en plein milieu, là, j'ai pas compris. Mi-hauteur, sans puissance, ni rien. Ouais, ça, y avait pas de conviction, y avait rien, et. Alors, je sais pas si c'est loupé, s'il a voulu faire un truc, je sais pas, mais c'était, catastrophique, cette frappe-là, ouais. Bah, du coup, à la City, c'est fini, il va perdre son titre, à la fin de saison, et puis, bah, le Real, toujours là, en fait, hein. Même si ça a été tiré par les cheveux, bah c'est voilà, ils sont là, ils sont qualifiés. Ouais, bah on le sait, hein, c'est les kings de la compétition. De toute façon, le Real n'est jamais mort. Hein. On l'a déjà vu en 21 contre le PSG dans un contexte différent, mais dans une mini remontada. Enfin, c'est une remontada, mais le Real n'est jamais mort. Même au penalty, même quand c'est comme ça, c'est ils ont ce truc, ils ont ce lien, cette relation unique avec cette compétition-là. Donc. Donc voilà, mais le Real, ouais, même dans un match où ils se sont fait dominer de la tête et des épaules, bah voilà, c'est quand même eux qui se qualifient, donc on aura quand même une très très belle affiche évidemment en demi-finale contre le Bayern. Et on aura le retour de Tchouaméni aussi pour le Real, hein, qui était absent là, qui était suspendu. Et du coup, ça va faire du bien aussi. Et puis bah du coup, Bayern, tu le disais, qualifié aussi. Bah c'est pareil, ça, y a pas eu de dans les 4 matchs, hein, à part Paris qui a gagné 4-1, mais sinon dans les autres matchs, tout était serré. Hein. Et celui-ci aussi, Bayern qualifié 1-0 seulement. C'est donc Kimmich qui donne ce but vainqueur. Et finalement, c'est voilà, j'ai pas trop vu le match, hein, moi personnellement, parce que moi non plus, j'ai vu quelques images. Mais... Il aurait peut-être fait aller regarder celui-là quand même, peut-être. En fait. C'est vrai qu'on a eu un beau mardi, on va dire, avec deux matchs quand même assez spectaculaires, avec quand même 11 buts en deux matchs mardi. C'est vrai que ce mercredi-là, il était un petit peu plus light, on va dire. Mais on l'avait dit, hein, que pour Arsenal, même si le Bayern n'était pas une grosse saison, notamment en championnat, on l'avait dit que ce serait très difficile pour Arsenal d'aller jouer cette qualif à l'Allianz Arena à Munich. Et ça a été le cas. En tout cas, Arsenal a été un petit peu trop friable, notamment dans le dernier geste, même s'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Le Bayern n'a pas eu énormément d'occasions non plus, mais ils en ont quand même eu plus que les Anglais. Et puis surtout en seconde mi-temps, où ils ont su crever l'abcès, on va dire, avec ce but de Kimmich à la 63e. Et puis ils ont su tenir ce résultat-là. Et Arsenal n'a pas su revenir dans ce match-là et dans cette enceinte munichoise, comme je l'avais dit. Ça allait être compliqué pour Arsenal qui, encore une fois, ça va pas être cette année, en tout cas pour en Ligue des Champions, à voir ce que ça va donner maintenant dans cette quête au titre en Angleterre pour eux. C'est dommage pour Arsenal aussi, hein, qui a vraiment une très belle équipe depuis quelques années qui vraiment step up à chaque fois, enfin passe une étape. C'est dommage pour cette équipe-là, mais on voit aussi que le Bayern, un petit peu à l'instar du Real, n'est jamais mort. Ils sont toujours là et c'est toujours une équipe historiquement énorme, hein, en Ligue des Champions. Donc, on va aller encore les retrouver. Je crois, j'ai lu ça là pour la 13e fois dans l'histoire, dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. Donc, on ne peut que saluer quand même, mine de rien, cette force, cette persévérance du Bayern, hein, malgré cette saison, comme tu l'as dit, compliquée en championnat. Donc ça va nous donner quand même une belle affiche entre le Bayern et le Real, évidemment. Ouais, ça va être une belle affiche, exactement. Donc le premier, c'est mardi, donc à Munich. Et donc le mercredi, Dortmund, Paris. Et ensuite, le retour, d'abord le mardi 7, Paris, Dortmund. Et le mercredi 8, Real, Bayern. On a hâte d'y être et ça va vite arriver, du coup, cette demi-finale. Enchaînons avec la Ligue Europa, du coup. Donc là aussi, quart de finale, retour. Évidemment, on attendait tous Marseille-Benfica, ce match-là, donc à domicile. Pour Marseille, on l'avait dit, hein, qui ça pouvait faire la différence. Et ça l'a fait, hein, en partie, en tout cas, même si ça a été long à se mettre en place et à se décider. Mais on sentait que ça pouvait le faire, hein, tout au long du match, même si ça voulait pas rentrer. Hein, il y avait toujours un pied qui traînait, il y avait toujours un fait de jeu, il y avait toujours quelque chose. Et enfin, ce but tardif qui permet d'aller chercher la prolongation. Ça a été dur et ça a été stressant, je pense aussi, pour toi, au tir au but. On en parlait juste avant, les tirs au but, c'est vrai qu'on les vit différemment quand on a un club concerné. Mais pour le coup, ça a été, on n'a pas eu le temps de trop stresser au tir au but parce que ça a été assez rapide, quoi. Oui, c'est sûr, mais oui, par rapport au tir au but de City Real, là, j'ai un petit peu plus serré les fesses. Ouais. C'est clair, mais non, pour revenir au match, ouais, on a toujours senti qu'il y avait la place pour l'OM d'aller chercher ce but-là qu'il nous fallait, en tout cas pour revenir au score et pour rattraper Benfica dans notre petit retard d'un but. Mais en même temps, plus le temps passait, on n'était quand même pas assez tranchant dans le dernier geste. Et puis je me disais, non, putain, on va pas y arriver. Ça va nous passer sous le nez alors qu'on y croyait tellement, surtout dans cette ambiance-là, dans cette enceinte où il y a encore un stade à guichet fermé avec je sais plus combien, 67 000 supporters, enfin bref. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas passer. Et puis ouais, il y a ce but de Mumbagna, alors j'attendais un but un peu de tout le monde sauf de lui, quoi. Bah, qui n'avait pas été très bon jusque-là, mais bon. À part ça, son entrée est catastrophique. Ouais. Techniquement parlant, c'est très très faible. C'est fou, quoi. Il est pas très adroit face au but, même balle au pied. Balle au pied, dans ses contrôles, dans ses amortis. Et pas Balogun. Alors, du coup, ouais. Allez. On continue. On enchaîne. Non mais j'ai un ou deux flashs où je le vois amortir le ballon de la poitrine, mais le ballon il reste pas vers lui, tu vois. Il a du mal à faire l'amorti poitrine. Hein. Alors par contre, c'est un déménageur, ça, il n'y a pas de souci, oui. Physiquement, il met un coup d'épaule, tu voles, ça, il n'y a pas de souci, mais. Et ça va, son jeu de tête est pas trop mal non plus, ce qui fait que il nous place quand même cette tête salvatrice, même si ça passe entre les jambes du gardien de Benfica et que ça rentre avec un petit peu de chance, un petit peu de réussite, mais il a mérité d'être là évidemment et de tenter cette tête et de la placer, de la cadrer. Et puis le stade explose, j'ai explosé devant ma télé, voilà, c'était fou. Et là on s'est dit ça y est, quoi. Ça y est, enfin on marque ce but et pourquoi pas aller chercher le deuxième, même si on voyait que c'était compliqué, que les joueurs commençaient déjà à fatiguer quand même un petit peu. En prolongation, ça s'est un peu inversé, c'est plutôt Benfica qui avait le ballon. Hein. Mais déjà, t'as vu le match, je crois, Rémi. Ah oui, j'ai regardé, bien sûr. Benfica était quand même relativement faible dans ce match, quand même, hein, mine de rien. Enfin, très peu dangereux. Di Maria n'a pas été tranchant, n'a pas été très bon comme à l'habitude. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'on y a toujours cru, finalement. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je savais que ça pouvait le faire. Après. Oui, je me suis dit, ça se trouve, ça va, il y a 50 occasions, puis ça va finir à 0-0, et tu vas te faire sortir bêtement, ou alors ce scénario, tu vas en prolongation, puis tu prends un but un peu à la con, et ça pouvait être ça le scénario aussi. Hein. C'est ça, après Benfica, dans le temps réglementaire, durant les 90 minutes, ils ont quand même eu 2-3 occasions où j'ai eu une petite. Il y a eu Paul Lopez qui a sauvé un peu la baraque à 0-0, juste avant le but, qui sort deux parades consécutives. Et oui, ça pouvait être la fin à ce moment-là. Ouais, ouais, non, mais plusieurs fois, Paul Lopez nous a sauvés, ou alors ça s'est joué à pas grand-chose pour Benfica, mais qu'est-ce que je voulais dire mais durant cette prolongation où on a vu vraiment nos joueurs détruits physiquement, c'était fou, quoi. Veretout, c'était dingue de le voir comme ça. C'était dingue. Il n'arrivait plus à tenir debout, à marcher presque, il avait du mal. Ouais. Combien de fois il s'est remis au sol et que le jeu est arrêté et que l'arbitre, alors qu'on avait fait tout, enfin Gassé avait fait tous ses changements, vraiment l'arbitre il allait voir Gassé, il a dit bon, c'est faux, ouais. Faut prendre un choix, soit tu le sors et tant pis, vous êtes à 10. Faut plus arrêter le jeu toutes les 30 secondes, quoi. C'était assez impressionnant de voir ce déclin physique chez nous et le fait que du coup, on n'avait pas de profondeur de banc avec les différents blessés qu'on avait, de faire rentrer des minots qui n'ont jamais joué une seule seconde avec le maillot professionnel. Daou avait joué avec la Nationale 3. Et Lafond. Et Lafond, il joue en U19. Ah oui. Donc il joue même pas en Nationale 3, quoi. Il joue vraiment avec les U19. Il a jamais joué avec la Nationale 3, ni avec les pros, évidemment. Donc c'était ça qui était fou. Et pourtant, et surtout Daou, Lafond, on l'a vu un petit peu moins, mais il a fait une bonne entrée aussi. En tout cas, il y a rien à leur dire. Mais Daou, il a été, les quelques fois on l'a vu, il a été costaud, hein. Il y a un retour défensif de Daou à un moment en fin de match, en fin de prolongation, waouh, fort. Donc, ça fait aussi du bien, même si j'étais pas du tout serein quand même de voir ces joueurs totalement inexpérimentés rentrer dans ce genre de match, dans ce genre d'ambiance, dans ce genre de scénario. Mais ça fait du bien aussi de voir des jeunes comme ça, finalement, qui y vont avec leur qu'ils ont entre les jambes et leur couteau et pas avoir peur, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était aussi beau à voir, quoi. Mais c'est assez dingue comme scénario, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et ça, il fallait le prévoir. Et c'était pas Magic System dans le premier Daou? Ah merde, j'ai pas la ref, désolé. Non, bon. La vanne doit être bonne, mais j'ai pas la ref. Bon bah tu regarderas Magic System au premier Gaou, mais non. Ce sera le son en fin de voilà, l'émission. Exactement. Du coup, qualification au tir au but, bon le tir au but. Mais quand même gros match. On va parler de tir au but vite fait, mais gros match de Paulo Lopez, on l'a dit, et de Ballardi, surtout Ballardi qui est énorme. Oui, qui a été un des artisans, clairement. De la qualif. Et puis Paulo Lopez au tir au but, surtout, qui a sorti. Ce tir au but qui a fait la différence, et puis Di Maria, qui a un peu craqué. Sur ce début de séance, et ça a bien lancé, c'est vrai, la séance quand même. Ça a enlevé un stress. En tout cas, pas pour moi, évidemment, les joueurs, bon, peut-être un peu l'effort aussi, forcément, mais dès qu'il il a atterri sur le poteau, la balle s'est écrasée sur le poteau, je pense qu'on a tous soufflé, on s'est dit. Ouais, ça y est, ça part bien. Déjà, il loupe le premier, en plus, c'est Di Maria, le mec, peut-être aujourd'hui, peut-être l'un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés au monde. Et tu le vois là. Ça frappe mourir sur le poteau. Ça a été long aussi à démarrer, et ça a peut-être joué dans la tête, ouais. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, les quatre tireurs marseillais, bon, déjà, ont assuré, honnêtement. Et pourtant, c'était pas ceux avec lesquels j'avais plus de confiance, tu vois. Correa, évidemment, c'est le mec qu'on n'a pas vu jouer depuis trois mois, ouais. parce que déjà, le peu de fois où il était entré en jeu de cette saison, il était nonchalant, et puis il était pas bon du tout. Même là, son entrée, elle est pas bonne du tout dans ce match-là. On l'a très peu vu. Bon, il va marquer son penalty. J'ai eu très peur aussi qu'il le loupe. Kondogbia, qui on l'a vu, a loupé aussi quelques occasions durant le match. Il le marque aussi. Ballardi, je me suis dit, putain, il est énorme depuis le début de saison. Et tu vas voir que là, il va retomber dans ses travers, il va louper le penalty. Et non, il le claque, il le claque bien aussi. Et Enrique, pareil, qui est bien revenu depuis son retour de prêt là chez nous. Et je me suis dit, pareil, ça se trouve, il va casser ses bonnes performances, on va dire, récentes. Et non, ils ont tous assuré. Donc, non, en vrai, bravo vraiment à cette équipe de l'OM qui aura quand même été vraiment au bout du bout de ses limites. Donc, c'était fou. J'étais avec mon cousin devant la télé, devant ce match-là. À la fin, j'étais pris dans mes bras. Je dis, tête contre tête, tu vois, j'étais comme un fou. Donc, non, c'était un match vraiment avec des émotions de fou. Et mine de rien, même si on ne dirait pas, mais pour moi, c'est une petite page d'histoire quand même, parce que c'est beau, c'est des scénarios assez étranges, et c'est beau de faire un retour comme ça, un petit comeback au Vélodrome, quoi, dans ce genre de scénario-là. Alors là, le calendrier va être fou quand même à venir, puisqu'il y aura un match mercredi face à Nice, c'est le match de retard. Ouais. Il y aura un match dimanche face à Lens. Ces deux clubs là, Nice et Lens, qui jouent l'Europe à fond. Ensuite, tu auras le match jeudi, donc le match aller, jeudi 3. Et heureusement, en tout cas, le match du week-end a été reporté. Hein, le Reims-Marseille a été reporté au 15 mai. Après, la saison va. Il y aura ce retour le 9. Et puis, il va quand même falloir jouer trois matchs en trois jours. Hein. Il y aura Lorient le 12, Reims le 15 et Le Havre le 18. C'est-à-dire que là, en 22 jours, il y aura 8 matchs. 7 matchs, pardon. Je sais pas si, moi ça me fait ça cette année, je sais pas si, ou justement ça a changé par rapport aux saisons précédentes, mais je trouve les quarts de finale, les demi là, elles sont vachement rapprochées. Oui, là c'est vrai que normalement c'était plutôt deuxième semaine de mai, c'était un petit peu plus loin les demi-finales. Ouais. Je trouve qu'il y avait une semaine de plus. Je crois que les demi-finales devaient s'arrêter la semaine du 14-15 mai. Et là, ça a été un petit peu plus tôt. Et là, je crois que la finale avait lieu plutôt fin mai, quoi. La finale a toujours tourné vers le 28, 29, 1er juin, on va dire ça, dans ces eaux-là. Donc, ça, à la limite, voilà. Mais c'est vrai que les demi ont lieu avant. Une semaine avant, je crois. Vachement tôt. Puis même là, les quarts de finale, un petit peu, qui s'enchaînent en deux semaines, avec une semaine d'intervalle, tout ça, c'est. Bah, ouais, j'avais pas le souvenir que, en tout cas, en quart de finale, par exemple, soit aussi proche les matchs aller-retour, tu vois. Mais, Les deux quarts, tu crois? Ah, je sais plus. Y avait pas au moins une semaine de répit? Enfin, je sais plus, mais ça, je sais pas, ça me paraît. Tout s'enchaîne très vite, là, j'ai l'impression. Alors, peut-être c'est qu'une impression. Hein, mais... Faudrait vérifier avec l'année dernière, mais. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais les demi-finales, je crois que. Oui, les demi-finales ont eu lieu un peu partout. Les demi, à la limite, qu'elles s'enchaînent, voilà, une semaine, ok, mais les quarts de finale qui soient assez proches comme ça, l'un de l'autre, qui parle du match à la fin. L'année dernière, c'était pareil, hein, 11, 12 avril, 18, 19 avril pour les retours. C'était pareil. Par contre, c'est que les demi-finales avaient lieu 9, 10 et 16, 17. Oui, donc là, ça a bien été avancé d'une semaine. Ok. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais en tout cas, ça a été avancé. Et les quarts de finale, non, ça a toujours été, enfin, de mes souvenirs, la semaine suivante. Hein. Ouais. Bah sinon t'as plus assez de temps après, hein, pour tout. Oui, créer. C'est sûr. Mais les demi ont été avancés un peu. Il n'y a rien de raison, mais en tout cas voilà, ça sera un petit peu plus rapide. Donc voilà, en tout cas, ce sera donc à l'attente de Tabergame en demi-finale, puisque ouais, on parlait très rapidement parce qu'on a pas beaucoup de temps, mais Liverpool n'a pas réussi à refaire le retard. Hein. Un seul but marqué par Salah et puis ça suffit pas. Évidemment, il y avait 3 buts à refaire. Et on s'est dit, voilà, on pouvait se dire après 7 minutes déjà un but, ça pouvait le faire. Mais en fait, non, il y aurait une bonne équipe de Bergame qui a bien contré tout ça. Et du coup, Bergame sera en demi-finale. Bon, après, Liverpool n'a pas, je pense, essayé de tout faire non plus. J'ai vraiment l'impression. Oui, l'Atalanta a peut-être bien tenu dans ce match-là, mais Liverpool, je pense, n'a pas tout donné non plus. Oui. Sur ce match-là, comme on l'a dit encore une fois, je pense qu'il privilégie la première ligue, évidemment. Mais et du coup, on aura les trois qui jouent le titre, qui jouent le titre à fond, parce qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe pour les trois. Ah oui, du coup, les trois ont été éliminés cette semaine, par la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, donc du coup, ils vont pouvoir vraiment tous se concentrer sur cette. Ce championnat, hormis City qui a encore la Cup, mais ce sera en fin mai, donc le championnat sera fini. Donc d'ici là, les trois vont se battre vraiment pour le titre jusqu'au bout. Donc Bergame en demi-finale. On aura l'occasion de reparler de Bergame tout à l'heure avec la Serie A, mais en tout cas, voilà, adversaire à la portée, hein, je pense, de Marseille, et qui peut en tout cas espérer beaucoup de choses. Donc là aussi, jeudi prochain, le match aller. Et le suivant, le 9. Et dans les autres, l'autre demi-finale, on retrouvera donc l'AS Roma, qui s'est qualifié à dépens du Milan AC, qui a gagné les deux matchs, hein, 1-0 à l'aller, 2-1 au retour. Ils ont été. Malgré un carton rouge assez tôt, Roma. C'est vrai. Il menait 2-0. Il menait 2-0. Ça aide un peu peut-être, c'est vrai. Il y a plus, en tout cas, même si tu prends un but, derrière, t'as plus besoin de marquer, tu prends un rouge, mais que t'as plus besoin de marquer, c'est peut-être différent aussi. Mais en tout cas, t'as vu quand même tous les jaunes qu'ils ont pris au Milan AC en seconde période. Ouais, en un quart d'heure, ils en ont pris 4, ouais. Ouais. Donc le Milan c'est fini, voilà, qui n'ira pas plus loin. Et puis donc on retrouvera Bayer Leverkusen, donc c'est qualifié avec après une victoire de 2-0 à l'aller, qui a fait 1 partout au retour. Et encore une fois, ils étaient nés 1-0, mais ils n'ont pas voulu laisser passer. Le nul, et ils ont été encore marqués, encore ce dernier but, 89e. C'est voilà, on le dit chaque semaine, mais c'est encore, ça se répète. Et on verra, ça s'est encore répété ce week-end, hier. Et du coup, c'est Frimpong, encore une fois, c'est souvent lui en plus, hein, qui va venir comme ça marquer des buts en fin de match. Et du coup, ça fait, bon, au-delà de la qualif qui était même assurée à 1-0, ça fait encore un match en défaite. Et 44 matchs en défaite. Encore, et on verra la 45e, c'était hier. Et du coup, le Bayern qui sera redoutable, je pense, en demi-finale. Donc face à la Roma. Donc d'abord à l'extérieur, et ensuite qui recevra. Et puis Marseille, donc on l'a pas dit, mais qui recevra d'abord et qui ira ensuite là-bas. C'est bon, c'est comme ça, c'est le tirage. Mais tout est possible, je pense. De toute façon, puisque là on avait reçu le match retour de quart de finale, forcément on allait recevoir au match aller des demi-finales, c'est comme le PSG, je pense. Non, c'est le tirage en fait. Ah, c'est vraiment le tirage? Ouais, c'est le tirage qui est comme ça en fait, au moment des quarts de finale, les demi-finales sont tirées et on tire aussi dans l'ordre des tirages. Donc, oui. Ça aurait pu être l'inverse. Ouais. Et voilà pour la Ligue Europa, puis la Conference League juste avant 2-0 toujours Sochaux, c'est la mi-temps face à Niort, 1-0 l'Inter face à Milan, c'est, ça va reprendre d'ailleurs, ou ça a repris face ça a pris hein. Ça, c'est en train de reprendre. Va, ça va reprendre. Les Milanais, les Rossoneri reviennent sur la pelouse. Ok. Séville Mallorca 0-0 à la mi-temps. Et puis, tu sais, il y a aussi, bah, on parlait de Benfica qui joue aussi ce soir. Hein. Benfica qui joue face à Farense, un partout. Benfica qui est deuxième. On rappelle au Portugal, c'est le Sporting hein, qui est en tête, 80 points cette saison. Avec 9 points d'avance sur Benfica pour l'instant en cours et qui est quasiment champion le Sporting, et Porto qui est le troisième loin avec 62 points, donc a priori ce sera pour le Sporting cette saison. Et donc on finit avec assez rapidement parce qu'on va plus avoir beaucoup de temps avec la Conference League et Lille est cruel pour Lille qui bah, là aussi a dû aller jusqu'au tir au but, mais cette fois ça n'est pas passé, c'est le scénario a été à l'inverse de celui de Marseille. Et qu'est-ce qui est cruel, c'est que voilà, ils menaient 2-0, le boulot était fait et ils prennent ce but gag hein, à 87e, ouais. Qui était largement évitable. Alors il y aura tout débat, est-ce que le but aurait dû être accordé ou pas, est-ce qu'il y a eu cette charge qui était illicite ou pas. Bah, en tout cas, c'est toujours identique que bah il y a eu ce but, et derrière ça a un petit peu inversé la tendance. Et ils étaient plus après les Lillois, et bah, ces tirs au but cruels. Encore une fois, c'est Martinez qui a été là pour doucher encore les Français. Je pense qu'il n'a pas intérêt, Martinez, à se balader tout seul en France. Non, c'est clair. Dans la rue. Un vrai match quasi parfait de Lille, vraiment, où ils ont su maîtriser cette équipe d'Aston Villa, qui pourtant est relativement redoutable bah, depuis le début de saison en Angleterre et même tout troupé de surreconduits généralement. Mais voilà, ils ont su bien marquer ces deux buts-là, vraiment gérer cette équipe-là. Et puis comme tu dis, ouais, il y a ce but gag en fin de match à la 87e de Cash. Moi, j'ai revu les images tout à l'heure encore pour préparer l'émission. Pour moi, le but est valable, je pense. Ouais, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux de l'accorder. Il y a eu des buts, il y a eu des choses plus litigieuses qui ont été accordées, donc bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est voilà, ça peut passer, mais ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est qui, c'est Ben Taleb, hein, non, qui gêne, Il se rentre dedans, ouais, Chevalier, ouais. Il se percute, mais c'est vrai qu'il y a une petite charge sur Ben Taleb qui fait qu'il rentre dans le gardien, et bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment moyen, ils avaient tout fait parfaitement Lille, c'était le scénario idéal pour eux, et c'est cruel de en plus au tir au but, on savait hein, si ça allait au tir au but ça allait être compliqué hein. Martinez qui est redoutable dans cet exercice, c'est sûr, mais ça t'es censé le savoir, et oui. Ouais, je pense qu'ils le savaient, je veux dire, mais oui. Bon, je vais pas parler à leur place, j'ai jamais tiré un penalty, encore moins dans un grand stade, et encore moins en Coupe d'Europe, mais quand tu sais que t'as un Martinez qui est très bon dans cet exercice-là, entre guillemets, tu mets pas une gentille frappe à ras de terre ou à mi-hauteur, quoi. Tu mets une patate. Tu cadres, mais tu mets une patate, quoi, dans le ballon. Pour moi, André, il a fait un gros match et tout, il a marqué, mais sur ce dernier penalty-là, il doit mettre de la puissance dans ce ballon. C'est pas possible. Tu sais que Martinez, il est très bon. Il attend le dernier moment pour se coucher. C'était presque cadeau pour lui, quoi. Et voilà, c'était ça. Bon, on peut quand même saluer évidemment le parcours de Lille dans cette compétition, et puis mine de rien quand même ce gros match qu'ils ont fait, mais ouais, c'est dommage, c'est très très cruel, ouais, parce que pour moi ils méritaient finalement notamment évidemment sur ce match-là de passer en demi. Ça aurait été trop beau, ça aurait été magnifique, ouais. D'avoir un club français dans chacune des Coupes d'Europe en demi-finale, quoi. Mais quand même, gros match, je salue le gros match quand même du gardien Chevalier, malgré le but gag. Oui. Il a fait un match exceptionnel. C'est clair. Et ce qui est dommage, c'est quand on voit les demi-finales, on se dit il y avait largement la place. Hein. Tu jouais l'Olympiakos en demi, ce qui est largement à la portée. Et puis t'avais Fiorentina et Club Bruges en face. Ah, tu te dis quand même il y avait quelque chose à faire hein, dans cette compétition. Ouais, parce qu'au final, t'as très bien embêté sur une double confrontation, pour moi le favori, comme on l'avait dit, de cette compétition, Aston Villa. Donc, c'était pas une voie royale. Non. Ah, 2-0 pour l'Inter, pas vu le but, hein, du coup, j'étais concentré sur le tableau de la Conference League. Donc, j'ai pas vu qu'il a marqué, je vous dis ça dans quelques instants, mais donc 2-0 c'est pour Thuram, l'Inter, là. C'est Marcus Thuram. Eh ben, c'est Thuram, à la 49e, ouais, je le vois. 2-0 à Inter, 49e. Ce que je disais. Oui, c'était pas non plus une voie royale, voilà, faut toujours aller jouer, voilà. Mais c'était largement abordable, quoi, je veux dire. Mais c'était évidemment abordable, évidemment. Bruges, Fiorentina et Olympiakos, bon, c'est des clubs du même niveau que Lille, hein, dans en championnat, ça se vaut, hein, donc tu dis que c'était 50-50, ça pourrait. Moi, j'aurais presque dit que le plus compliqué, on va dire, en tout cas, ça aurait été l'Olympiakos avec l'ambiance un peu chaude à la grecque. Là-bas, oui, c'est sûr. Alors que voilà, Fiorentina, je pense qu'il y aurait eu vraiment match. Tu vois, il y aurait eu vraiment match entre Lille et Fiorentina, oui, qui, comme tu dis, je pense, ont vraiment un niveau équitable. C'est ça. Mais c'est encore pour ça aussi que c'est encore plus cruel. Ouais, c'est exactement ça, ouais. En tout cas, donc Aston Villa, Olympiakos et Fiorentina Bruges, donc pour l'autre demi-finale, donc pour cette Conference League. Donc voilà, tu le disais, l'Inter quasiment champion maintenant. Maintenant, avec ce deuxième but, hein, il va pas rester grand chose maintenant pour que ça passe pour cette équipe de l'Inter. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Donc, Italie, ça s'est confirmé, un cinquième qualifié l'année prochaine. Et l'autre nation qui pourra en bénéficier, ce sera entre l'Allemagne et l'Angleterre. Ça y est, l'Espagne, c'est fini puisque l'Espagne a perdu l'Atlético et le Barça. Et en revanche, l'Allemagne et l'Angleterre sont encore en course pour l'Angleterre. Mais il reste que Aston Villa, du coup. Et pour l'Allemagne, il reste le Bayern et également Dortmund. Donc il reste trois clubs. Donc ils ont potentiellement plus de chances de ramener un cinquième club en Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà. Donc on en saura plus, je pense, après les demi-finales. Hein, ça risque de bouger pas mal. Ok, voilà pour les Coupes d'Europe, donc on a hâte d'être à la semaine prochaine déjà pour vivre toutes ces demi-finales. Ça sent un peu le PSG Real en finale, enfin je dis pas, hein, mais c'est parfait évidemment, ça ressemble, mais un petit PSG Real en finale avant que Mbappé la rejoigne. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. C'est ce qu'on le disait déjà il y a quelques semaines, mais c'est un fantasme hein, qu'on a. Ouais. Oui, clairement, oui, clairement. Ouais. On verra ça, ouais. Le Tour d'Europe, on va essayer de faire condenser parce qu'il est presque 22h, donc on va aller assez vite. On va pas pouvoir tout faire. Donc du coup, on va aller un ou deux matchs en Allemagne. Donc le Bayern vainqueur, très rapidement vainqueur de l'Union Berlin 5-1 à l'extérieur. Bon, même ils prennent même le but à la toute fin de match, donc c'est logique, hein, puisque finalement, le Bayern ne joue plus rien en championnat. Ils sont passés en plus, il y a eu cette euphorie peut-être de passer en demi-finale. Et ils jouaient en plus face à un club mal classé, donc logique. Hein. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. On ne va pas s'attarder dessus, mais voilà. Là, bon, déjà, on retrouve un petit peu le vrai visage du Bayern quand même, où dans ces matchs-là, on est habitué à ce qu'ils mettent ce genre de raclée, on va dire. Et puis comme tu dis, comme il n'y a plus rien à jouer en championnat, je pense qu'ils peuvent jouer maintenant sans complexe et que donc ils peuvent se lâcher de toute manière. Plus rien ne va changer. Je pense pas qu'ils seront rattrapés par qui que ce soit derrière non plus. Il n'y a plus assez de temps, voilà. Donc ils peuvent jouer un petit peu décomplexé et sans stress. Donc résultat logique, comme tu as dit, face à une équipe mal classée qui pourtant nous avait fait rêver l'année dernière, mais Union Berlin. Ouais. Mais oui, voilà, résultat logique, bon résultat pour le Bayern quand même, dans l'optique de cette demi-finale contre le Real quand même. Exactement. On a Stuttgart là qui a perdu à Brême, ça c'est un résultat pas surprenant, mais en tout cas Stuttgart qui est toujours bien placé de toute façon pour l'Europe, pour la Ligue des Champions, il y a encore une belle avance, hein, donc pas de panique. D'autant plus que s'il y a un cinquième qualifié, ils y sont, ça c'est clair. Ouais. Pour Ligue des Champions, donc là c'est ce résultat là. Leipzig aussi qui a gagné à Eindhoven, c'était important pour rester quatrième. Et puis on avait ce Dortmund Bayer Leverkusen qui était important pour le Bayer. C'était la première sortie en tant que champion à l'extérieur, officiellement, même si le trophée sera mis en fin de saison, mais en tout cas ça y est, c'est fait. Et pour Dortmund, il y avait aussi l'importance d'être de gagner pour passer quatrième et pour l'instant être sûr dans les quatre et être qualifié. Et ils ont fait en tout cas le bon match, hein, Dortmund. Ils ont même marqué quand il fallait avant la fin. Mais encore une fois, bah, comme depuis beaucoup de semaines, comme on l'a vu aussi bah, jeudi en Ligue Europa, le Bayern, bah, il veut pas perdre. Et bah, il y a eu ce match, ce but à la 97e encore. Et vraiment dernière seconde. Dernier corner. Il y a eu ce coup franc, ce corner, re-corner. Et voilà, c'est Sanidic cette fois qui est le sauveur. Voilà, parfois c'est, on l'avait dit, c'est Frimpong, parfois c'est. Qui c'est encore Wiertz aussi. Enfin voilà. Et là, cette fois, ça en est encore un autre. Mais ça suffit encore. Surtout qu'il manquait pas mal de joueurs. Hein. On avait fait tourner avec du côté de Leverkusen. Et donc du coup bah cette fois c'est le sauveur c'est lui et bah maintenant ça y est c'est annoncé hein, l'objectif pour Xabi Alonso c'est de rester invaincu en tout cas en Bundesliga si ça peut aussi l'être en Ligue Europa bah tant mieux mais en tout cas en Bundesliga c'est annoncé et ils veulent rester invaincu et bah ça passe il reste encore quatre matchs pour le faire honnêtement j'ai pas eu le temps de en préparant l'émission, de revoir ce résumé-là, j'avais oublié qu'il y avait ce choc-là ce week-end. Alors, je sais pas si toi t'as vu, mais je me demande comment ils ont. Le but, le dernier but. J'ai juste vu le dernier but, ouais. Ouais, bah, comment ils ont fêté ça, les joueurs? Parce que j'aimerais bien savoir s'ils ont bien fêté ça, presque comme une victoire. Ah, ouais, ouais, ah oui, oui, c'était fou. Xabi Alonso, il a couru partout, enfin, c'était fou. C'était vraiment. Ça prouve bien que ça leur tient à cœur, ah, oui. Ce record-là. Ils veulent pas perdre et. C'est seulement le cinquième nul en plus, hein. C'est fou. Hein. 25 victoires, ouais. 5, non seulement ils perdent pas, mais en plus ils font très peu de nuls. Et maintenant il reste. Bon, il n'y a plus que 4 matchs en championnat, mais entre temps il y aura les demi-finales retour. Enfin, les demi-finales, pardon. Et ça va faire pas mal de matchs. Là, il y aura Stuttgart. Il y aura Stuttgart à jouer ce week-end, qui est troisième. Ouais. Voilà, donc encore un gros morceau. Ensuite, il y aura Francfort, qui est sixième, qui potentiellement peut jouer l'Europe encore. En tout cas, peut-être pas la Ligue des Champions, mais une Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Il y aura Bochum ensuite. Bon, là, ce sera plus facile normalement. Et il restera ensuite Augsbourg, voilà, qui est aussi en la lutte encore pour la Coupe d'Europe, qui sera peut-être plus la lutte d'ailleurs à ce moment-là. Mais donc, et entre temps, il y aura ces deux matchs face à la Roma. Donc, c'est possible. Ils peuvent rester invaincus en championnat, peut-être même en Coupe d'Europe. Ce serait fou d'ailleurs de gagner, de tout gagner avec la Coupe d'Allemagne et rester invaincu sur les trois compètes. Ce serait du jamais vu, je crois. Dans nos cinq grands championnats, enfin, dans le Big Five, je crois que ce serait, ouais, une première, parce que même la saison d'Arsenal où ils sont restés invaincus en championnat, ils avaient dû perdre, ils ont perdu dans d'autres compétitions. Ils n'avaient pas gagné avec des champions cette année-là. Ouais. Bah, forcément, oui, je pense que ce serait du jamais vu, hein. En tout cas, oui, dans nos Big Five européens, quoi. Dans d'autres plus petits championnats, je veux dire. Oui, mais ils ont pas gagné de Coupe d'Europe aussi. Oui, voilà, bien sûr. Donc, donc non, je pense que ce serait une première. Il reste 7 matchs pour le faire. C'est encore beaucoup, 7 matchs. Hein, mais en tout cas, ça tient pour l'instant la cadence. Ce week-end, on a Leverkusen-Stuttgart. Ce sera samedi après-midi. Mais sinon, il y a peut-être Bayern Munich-Francfort. Ouais, aussi. Ouais, Francfort qui joue une place européenne. Donc, ça peut être intéressant. Et si. Et puis Leipzig-Dortmund. Et oui, c'est ça. Leipzig-Dortmund, super important. Pour Dortmund, c'est l'occasion de reprendre la quatrième place. Et en revanche, pour Leipzig, si ça passe, il y a une belle avance après. C'est ça. Donc, ouais, match très très important dans la course à la Ligue des Champions. Après, est-ce qu'ils seront 5 qualifiés, comme tu l'as dit tout à l'heure? Ça va dépendre. Voilà. Bah, ouais, ça va dépendre de cette demi-finale, en fait, ouais. Donc. En tout cas, ouais, 3 beaux matchs d'Européens ce week-end. Européens, quoi, je veux dire. Ouais, exactement. Et bon, par contre, ouais, il y aura Leipzig et Bayern en même temps, mais sinon, Leverkusen, ce sera après, ce sera plus tard dans la journée. Voilà pour l'Allemagne. L'Italie, bah, on a toujours ce match en direct. Hein, ça, tu nous tiens informés si ça bouge. Évidemment. Toujours 2-0 pour l'Inter, 59e minute. Ok, bah très bien. En tout cas, pour l'instant, ça suffit pour être champion. Et sinon, Benfica a repris l'avantage de 1. Et sinon, pas de but en Espagne, pas de but en national depuis ce 2-0. Donc on démarre. Donc t'avais la Lazio d'abord qui a gagné au Genoa. Ça, c'était important aussi pour la Lazio qui reste septième mais qui reste toujours à portée de cette cinquième place du coup qui sera Ligue des Champions. Hein. Finalement, ils sont plus qu'à 3 points hein, de cette cinquième place la Lazio qui on a perdu tout à l'heure. Donc Et c'était important de gagner d'abord donc face au Genoa 1-0. Ça permet de croire toujours à cette Ligue des Champions. Du coup, c'est vrai que depuis cette annonce, bah maintenant les clubs qui sont derrière, qui sont 6, 7, 7e, bah, il va falloir se battre vraiment pour le faire. Et la Lazio peut le faire. La Juve, bah, les semaines se suivent et se ressemblent. Pour la Juve, hein, encore un match nul à Cagliari. Ils auraient même presque pu perdre, en plus. Bah oui, ils perdent 2-0. Ils sont revenus grâce à un bon match de Vlahovic aussi. Qui a ouvert le score pour la Juve à la 31e, 2-1. Et puis, pareil, je crois que le deuxième but, le TSC, je crois que c'est Tavian Vlahovic aussi. J'ai plus l'image exacte en tête. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure. Mais j'ai eu tellement d'images depuis tout à l'heure. Mais non, Vlahovic qui a su remettre cette Juve-là un peu d'aplomb dans ce match. Mais oui, c'est encore une fois une Juve qui a essayé des points. Quoi, mais on se répète chaque semaine. De toute façon, maintenant, pour eux. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, c'est quasiment fait. Voilà. C'est ça. Plus grand chose à jouer. À part le podium. Mais à part le podium. Du pur, égo, ouais. Quoi. C'est ça. C'est du bonus. Le mauvais résultat, c'est Naples, par contre, qui a perdu à Paoli. Et ça, c'est un très mauvais résultat, puisque Naples, du coup, bah, laisse un peu de retard sur la cinquième place, même la sixième ou septième place pour le reste des Coupes d'Europe. C'est un très mauvais résultat et ils sont maintenant à 3 points de la Lazio donc et qui reste malgré tout à portée mais c'était un bon résultat face à Empoli hein, qui prend en tout cas 3 points très importants en vue du maintien. Et c'est pour ça que la Lazio, la victoire, elle leur fait du bien parce que oui. T'as Naples qui a perdu derrière eux et t'as la Roma qui a perdu face à Bologne au-dessus, ouais. Tout à l'heure, il y a juste l'Atalanta entre les deux qui a gagné. On va le dire dans quelques instants. Mais ouais. Sinon, ça leur a bien servi ce week-end. C'est vrai, ça a été un bon scénario pour eux. Et puis donc, ouais, tu l'as dit, Bergame qui a gagné à Monza 2-1. Et ça permet à Bergame donc, de rester 6e et de rester du coup à portée de la 5e place désormais, qui sera importante donc pour la Ligue des Champions. Et puis tout à l'heure, on l'a dit, hein, tu l'as dit, Bologne a gagné à la Roma 3-1. Donc là aussi, c'est un résultat donc qui va permettre à de resserrer tous ces clubs. Et puis donc ce match Milan-Inter en cours, on prend l'instant toujours 2-0. Cette semaine, avant ça, le classement. Donc l'Inter peut être champion tout à l'heure. Le Milan restera deuxième, c'est quoi qu'il arrive. La Juve troisième, 64 points. Ensuite, on a Bologne 62. Et puis ensuite, cinquième. Donc, c'est la Roma 55. Ensuite, Bergame 54. La Lazio 52. Et puis, Naples 49 à la huitième place, qui peut encore espérer. Et en bas, Salernitana. Alors, c'est pas encore tout à fait fini. Il reste quoi? 5 matchs encore. Donc, il y a encore 15 points à prendre. Ouais, c'est pas fini, mais ça peut être fini. Ça peut être fini ce week-end. Ça y est. Il y a quand même 11 points d'écart. De 13. Tu parles sur Sassuolo? C'est ça? Oui. Moi, je parle sur la première place, la 17e place qui est pas relégable, il y a 13 points, quoi. Oui. Donc, après, la Salernitana, ils ont 2 matchs gagnés en 33 matchs. Donc, tu le vois pour 15 points, toi? Non. Mais du coup, ce sera peut-être officiel ce week-end, quoi. Enfin, c'est pas probable. C'est pas probable. Sassuolo, Frosinone, Udinese, un peu Olivierone, tout ça, c'est concerné, hein, même jusqu'à Cagliari, concerné. Par donc le maintien. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, on a des beaux matchs. Hein. On a Juve-Milan. Ouais. Juve-Milan. Si la Juve peut encore espérer finir deuxième, mais il faut gagner. Il faut gagner ce match-là, puisque Milan AC pensant être en perte, donc il resterait à 69. Donc ça pourrait permettre de revenir à 2 points. Donc ce sera ce match-là. On aura Napoli à Roma aussi. Ouais. Important pour le Naples pour revenir hein, sur ce top 5 en fait. Ouais. Et puis la Roma qui pourrait perdre encore pas mal de points là et de faire peur pour cette Coupe d'Europe hein, donc ouais. La Roma qui peut peut-être pas tout perdre mais qui pourrait perdre beaucoup encore une fois sur ce match là après la défaite de tout à l'heure, ça pourrait faire mal. C'est ça. Et puis sinon voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal hein, déjà de ces deux matchs là à suivre pour en savoir un petit peu plus. On suivra aussi l'Atalanta contre Empoli quand même avant le match contre l'OM aussi. Exactement. Et donc ira, tu m'as dit, contre Empoli. Empoli. Ok, très bien. Ce sera donc ce week-end aussi. Et puis Bergame qui jouera aussi cette semaine avant puisque ce sera les demi-finales retour de la Coupe d'Italie. Donc demain c'est Lazio Juve. Donc la Juve, voilà, on sait qu'il n'y a plus rien à jouer. Il y a quand même cette Coupe d'Italie à jouer encore, hein, qui peut être intéressante. Donc ce sera demain. La Juve a gagné 2-0 à l'aller, donc ils sont en bonne position. Et puis donc Bergame recevra la Fiorentina. C'est la Fio qui a gagné 1-0 à l'aller. Donc voilà pour la. C'est bien parce que la Talenta sera dans les mêmes conditions que nous, puisque nous on va jouer mercredi aussi notre match en retard. Évidemment, on va rejouer ce week-end et puis. C'est ça. Ensuite, voilà. Donc, il y aura le même état de fatigue parce que Bergame jouera aussi deux fois cette semaine. Ouais. Et pour la Fiorentina, c'est une belle opportunité de cette Coupe d'Italie pour essayer de se qualifier pour une Coupe d'Europe aussi. Hein. Donc ils vont la jouer à fond. Et ils ont gagné à l'aller 1-0. Donc pour l'instant. Le vainqueur de la Conférence League, est-ce qu'il est qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine ou pas? Vainqueur de la Ligue Europa, il est qualifié en Ligue des Champions. Et je crois que celui de la Conférence League, donc la Fiorentina potentiellement. Peut se qualifier s'il gagne la compétition là en Europa League, non, je crois. Ça, j'ai entendu ça justement aussi. On va revérifier, j'ai un doute, mais on va revérifier. Et oui, c'est ça, t'as raison. Et directement pour la phase de groupe, hein, c'est ça. Ouais. Donc, pour la Fiorentina, il y a deux possibilités. Il y a cette Coupe d'Italie et il y a la Conference League. Donc, deux possibilités pour se qualifier. Et puis, il y a le championnat, mais ils sont un peu loin, c'est vrai. Ouais. Même si c'est pas fini. Moi, je pense qu'il vaut mieux pour eux. Laisser tomber le championnat et vraiment jouer à fond la Coupe d'Italie et la Coupe d'Europe pour chercher le billet par ces billets-là, quoi. On verra ça. En tout cas, cette semaine, demi-finale, retour de Coupe d'Italie. L'Espagne, on va faire vite parce qu'il est déjà 22h12. Hein, on va essayer de faire assez rapide. On va se concentrer sur ce classico d'hier. Juste à noter que l'Atlético, mauvais résultat hein, à Alavés. Défaite 2-0 de l'Atlético Madrid. Alors ça remet pas en cause évidemment leur qualification en Ligue des Champions pour le moment, mais il y a plus que 3 points sur Bilbao hein. Donc attention danger pour cette équipe de l'Atlético, puisque Bilbao malgré son match nul un partout revient à, et heureusement hein. D'ailleurs que ce Bilbao a fait match nul parce que sinon il revenait à un point seulement, donc attention. Et puis Gérone reste 3e avec cette victoire face à Cadix, et du coup Gérone qui revient juste à 2 points du Barça, puisque hier le Real qui a fait un grand pas vers le titre en gagnant 3-2 face au Barça. Match aussi avec pas mal de rebondissements et Real encore qui a fait une belle différence en fin de match, et du coup ça y est, maintenant on s'approche tout doucement et qu'on se prend d'avance, ça y est hein, c'est quoi, c'est acté hein. Ouais, c'est quasiment fait pour eux. Ouais, très bon résultat évidemment en toute fin de match. On le disait, sale semaine pour l'Atlético après leur élimination en Ligue des Champions et puis leur défaite ira à la baisse. C'est sale semaine également pour le Barça du coup. Après cette élimination en Ligue des Champions également et puis cette défaite dans le Classico là. Même si ouais, ils menaient par deux fois, hein, ils ont ouvert le score dès la 6e minute par Christensen et puis ensuite ils gagnaient 2-1 à la 69e grâce à un but de Fermín et puis dans la foulée 4 minutes après Vázquez vient marquer le 2 buts partout pour le Real. Et puis Vázquez qui va encore être déterminant en toute fin de match à la 90+1 puisqu'il va offrir un but à Bellingham, on va dire ça comme ça, je sais pas trop si c'est exprès, mais bref. En tout cas voilà, Bellingham encore lui qui en renard des surfaces en tout cas va bien se placer, va être tout seul et puis va pouvoir claquer ce but et va pouvoir exprimer toute sa joie, et ça fait 3-2 pour le Real à la maison. Donc ouais, c'était le match à ne pas perdre pour le Barça s'il voulait encore avoir un espoir de titre. C'est surtout un match à gagner, mais là voilà, 11 points comme t'as dit d'avance, enfin d'écart entre ces deux équipes, ouais, même s'il reste 6 matchs, oui, c'est quasiment fait pour le Real. Et en tout cas encore une fois grosse perf mine de rien, de deux équipes en vrai, parce que c'était quand même serré ce match-là. Il y a eu des occasions des deux côtés, il y a eu des buts de partout, donc c'est un très beau match à suivre, avec comme tu as dit des rebondissements à chaque fois, et surtout en fin de match. Donc gros match, gros classico quand même, qui était plaisant à suivre, malgré le fait que c'est plus le même classico qu'il y a 10 ans, oui, mais c'est vrai. Très très plaisant à suivre quand même. C'est vrai que le Barça, en cas de victoire, il revenait à 5 points, on pouvait espérer encore quelque chose, mais là c'est voilà, c'est plié maintenant. Oui, bah oui, quasiment. Il n'y a plus rien à espérer. Le classement. Donc, le Real, 11 points d'avance sur le Barça. Deuxième avec 70 points. Gérone, 68. Atlético, 61. Et Bilbao, 58 pour l'Europe. Et puis en bas, Almeria, Grenade. Enfin, Almeria, ça y est, c'est quasiment fini. Grenade, qui peut encore espérer, mais ça va être très compliqué. Et Cadix, qui a un petit retard aussi sur Vigo et Majorque. Cette semaine. Enfin, ce week-end plutôt, qu'est-ce qu'on a? Si, on a Madrid-Bilbao. Madrid-Bilbao. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que là, ça y est, si Bilbao gagne, Bilbao revient et passe même devant Madrid. Et donc, important. Non, on a plusieurs matchs comme ça ce week-end. On l'a vu en Italie, tout ça, des matchs à confrontation directe comme ça au classement, ça va être intéressant. Ça va être sympa, ouais. Donc, ça, c'est important pour l'Atlético. C'est vraiment ne pas perdre ce match pour. Rester à cette quatrième place. On termine avec l'Angleterre. L'Angleterre, donc, ce week-end, on va reparler évidemment de ces deux matchs. Est-ce qu'on parle vite fait de la Cup, quand même, surtout de United? Oui, oui, la Cup, bien sûr, on peut parler de la Cup aussi. Hein. Parce que United, c'est quand même incroyable ce qu'ils nous ont fait ce week-end-là. Et bah, United, juste avant City, donc qualifié, le premier qualifié en finale, puisque City avait gagné 1-0 face à Chelsea. Il s'est passé pas mal de choses aussi, il y a eu pas mal d'animations dans le match. Et ça passe pour City du coup, qui va chercher peut-être un premier trophée cette saison. Il y aura pas la Ligue des Champions, c'est sûr, il y aura peut-être le championnat, mais il y aura peut-être cette Cup aussi. Et pour Chelsea, c'est vrai que c'était aussi, on en avait parlé, peut-être la dernière opportunité de se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est mort. Du coup, il y aura pas ce biais-là. Et puis United, c'est vrai, ouais. Ce match proche de la faute professionnelle. Ah ouais, Coventry, équipe de deuxième div, on rappelle. Il menait 3-0 United, il est sûr de dominer ce match. Et il menait 3-0, et c'est fou de se faire rejoindre comme ça, 20 minutes, quoi, une vingtaine de minutes. C'est 3-0 grâce à un but de Fernandez à la 59e, à l'heure de jeu, donc 3-0 pour United. Et 72e, ouais, but de Sims, hein, honnêtement, enfin, un bon match, quand même, mine de rien. Avec Coventry, et puis il y a eu quelques petites erreurs aussi techniques côté United, et ça va vous faire des buts, et ça va vous faire surtout un penalty à la 90+4 pour Coventry, 3-3, toute fin de match, et puis ensuite les prolongations, ou pareil, en toute fin de prolongation, je sais plus si c'est toute fin, mais en tout cas Coventry qui marque un quatrième but en prolongation, ouais. Et but finalement refusé. En toute fin de prolongation. Ouais, 120+1, ouais. Et vraiment, j'ai revu les images tout à l'heure parce que j'ai pas vu le match en direct. Le hors-jeu, ça se joue à millimètre, un orteil, à un orteil. Ah, c'est fou. Hein. Et puis donc, séance de tir au but entre Coventry, comme tu l'as dit, club de D2 de Championship, United. Et puis pourtant United qui Casemiro qui loupe son premier penalty pour United. On se dit que l'histoire peut être belle pour Coventry. Et au final, Coventry va en louper deux et puis United va gagner 4-2 cette séance. Donc c'est pour ça que je disais tout proche de la faute professionnelle, même si c'en est presque une en réalité, même malgré la qualification. En tout cas, c'est surtout cruel aussi pour Coventry de ne pas avoir pu arracher cette qualification quand même. Ça aurait été vraiment beau parce qu'ils l'ont mérité mine de rien, même s'ils se sont fait, comme je l'ai dit, dominer pendant plus d'une heure dans ce match-là. Ils ont su rebondir comme ça, profiter des erreurs des Mancuniens. Et puis si proche en prolongation avec ce 4-3, mais c'est cruel pour eux. Et du coup, on retrouvera la même finale que l'an dernier. Hein. Ouais. Le duel des Manchester, c'était City qui avait gagné l'an dernier. On s'en souvient avec le triplé, qui a gagné 2-1. Donc, nouvelle finale à Wembley. Et ce sera le 25 mai. D'ailleurs, toutes les finales sont quasiment ce dimanche-là. City, triple tournant du titre, quand même. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est fou. Hein. Donc voilà, 25 mai, ce sera un samedi. Donc il y aura d'ailleurs toutes les finales de coupe quasiment ce jour-là. En championnat, très rapidement, les deux qui sont concernés pour le titre ont fait le job. Hein. Arsenal a gagné 2-0 à Wolverhampton. Voilà. Donc, ils ont géré ce match-là. Ils ont géré et ils tiennent sur la barre pour le titre. Et puis Liverpool aussi qui a géré face à Fulham, même si voilà, il y avait un partout à la mi-temps. Bah, ils ont fait aussi le bon match et du coup, bah, statu quo en haut du classement avec pour le moment Arsenal et Liverpool 74 points et City avec 73 points. Mais évidemment, City qui a toujours ce match de retard du coup après ce match de cup et qui jouera jeudi le match de retard à Brighton. Voilà, ils vont vite le rejouer pour Ce serait magnifique qu'il passe match nul. T'aurais les trois équipes parce que ouais. Alors pardon, non, c'est pas le le match face à Brighton, c'est le match de retard de la 29e journée. C'est-à-dire quand ils avaient joué le quart final de la cup. Ah oui, parce que Arsenal, Liverpool, ils ont aussi des matchs de retard parce qu'il y a des équipes qui sont à 34 matchs joués aussi. Donc En fait oui, Arsenal, Liverpool ont un match de retard sur tout le monde et ouais. City en a un autre. On a deux de retard du coup sur tout le monde et donc un sur Arsenal et Liverpool. Mais il y a d'autres équipes qui ont deux matchs de retard. Hein. Tu vois Tottenham, Newcastle, United. Oui, oui. Bah, c'est en fait comme ils ont joué avec les coupes. Ouais. La cup en week-end et pas en semaine comme c'est le cas d'habitude. Bah, ça a créé du retard et du coup bah City ce match-là, Brighton c'est celui de la 29e journée et celui de la 34e journée sera que le 14 mai face à Tottenham. Donc là on sera vraiment à jour à ce moment-là et du coup cette semaine aussi on doit probablement avoir d'autres matchs de retard hein, pour probablement pour oui c'est ça pour Liverpool notamment qui jouera mercredi et pour Arsenal qui jouera demain face à Chelsea hein. Donc là gros match aussi Arsenal Chelsea c'est demain pour rattraper le retard et Liverpool jouera à Everton mercredi et puis donc jeudi sera City qu'on en saura un peu plus aussi jeudi hein. On aura même si City aura toujours un match de retard on en saura un petit peu plus sur le classement. Aston Villa reste 4e, Tottenham 5e, Newcastle 6e, United 7e et puis Chelsea 9e. Ça devrait plus bouger pour l'Europe, en tout cas pour les 5 premiers. Ensuite, pour Newcastle et United, bah, il y a peut-être encore des choses à jouer. Et en bas, Sheffield, c'est quasiment fini. Burnley, Luton, Nottingham Forest, Everton, tout ça peuvent encore espérer se maintenir. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bah, oui, on a dit qu'on avait ces 3 matchs de retard, mais ce week-end. Ce week-end, on a un bon gros derby londonien quand même avec deux équipes qui se détestent bien, qui aiment se détester entre Tottenham et Arsenal. Donc évidemment, on va noter ce choc-là, même si Tottenham n'est pas à la hauteur, on va dire, d'Arsenal, mais ça reste toujours un gros derby avec deux équipes, comme tu l'as dit, qui aiment se détester. Donc évidemment, ce match-là, et puis éventuellement, j'allais dire Aston Villa Chelsea quand même, mais bon. Voilà, Aston Villa qui a quand même du beau jeu, mais Chelsea qui est toujours décevant, donc bon. Surtout Tottenham Arsenal quoi. Ouais, c'est surtout ça ouais. Donc on va suivre tout ça ce week-end. Ok, et ben on revient en France. Alors que les directs ça bouge plus pour le moment. Hein. 2-0 pour l'Inter, 2-0 pour Sochaux face à Niort, 0-0 pour Séville Majorque. Ouais, ça bouge pas dans les directs. 1-0 pour Séville. But d'El Nesri il y a 2 minutes. Ah bah ça a bougé. Et ben voilà, et ben ça bouge du coup. Pour l'instant, c'est Maier qui fait une très mauvaise opération avec ce résultat. Donc en France, revenons rapidement donc à National. Donc il y a ce match en direct. On en a parlé. Sochaux face à Niort. Pour l'instant, c'est Sochaux qui gagne 2-0. Sinon en haut, le Red Star a validé sa montée en Ligue 2 malgré sa défaite face à Dijon 2-0. À domicile, mais du coup ça y est c'est fait. Et puis donc l'autre, ce sera peut-être Niort, peut-être Martigues, peut-être même Nancy qui peut encore espérer. Mais c'est vrai que Niort avec pour l'instant cette défaite qui se profile, ça laisserait que 2 points d'avance sur Martigues 3e. Et du coup ensuite pour les autres résultats, Lorient a été battu encore une fois à domicile face à Nîmes 1-0. Et du coup maintenant attention danger puisque il n'y a plus que 3 points d'avance sur la zone rouge. Donc c'est la 13e place avec Nîmes et ensuite il y a Villefranche avec 35 points, Châteauroux 36 et Orléans 38. Donc là attention, il va falloir vraiment jouer le maintien à fond maintenant parce qu'il n'y a plus beaucoup d'avance. Vendredi ce sera le déplacement à Versailles qui est 8e. Voilà, il faudra absolument un résultat pour prendre des points sur ce match. Et ensuite là, il y aura encore un autre déplacement à Épinal, donc il y aura 2 déplacements consécutifs pour l'USO dans ce championnat. En Ligue 2, Eh bien, Auxerre, encore mauvaise opération, hein, du côté de Rodez, te fait 2-0. Ça resserre un peu tout le monde, hein, au classement. Angers, qui fait la belle opération, gagnant 2-1. Et Saint-Etienne aussi, fait une belle opération, gagnant 2-1 face à Bordeaux. Donc, au classement, on a Auxerre, 61 points. Angers, 58. Saint-Etienne, 57. Voilà, ça, c'est les trois premiers. Et Paris FC, 52, et un peu plus loin. En tout cas, rappelle, les deux premiers montent. Et le troisième jouera un barrage. Donc, pour l'instant, tout est resserré. Il y aura une journée cette semaine, donc demain. Tous les matchs à 20h45. Et il y aura une nouvelle journée samedi. Voilà, donc pour la 34e et 35e journée. Donc ça va, on aura beaucoup, beaucoup de choses lundi. Ça va bouger, évidemment. Et on termine avec la Ligue 1. Avec ce débrief de cette 30e journée. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de faire vite. 30e journée avec vendredi d'abord. C'est Nice qui recevait Lorient. Et Nice qui était pas bien depuis quelques semaines, hein. C'était vraiment des résultats dans le scie. Et voilà, peut-être c'était le meilleur adversaire pour se relancer pour Nice. C'est fait, 3-0. Voilà, qui repart vraiment de l'avant avec ce résultat. Et du coup, bah ça permet de vraiment jouer la Ligue des Champions maintenant à fond, hein, d'aller chercher peut-être cette quatrième place. Ouais, même si bon, il reste encore quelques matchs, 5 matchs, mais même si voilà. On sent Lille quand même plutôt bien, surtout qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe pour Lille maintenant. Oui. Il y a quand même 5 points d'écart entre Lille et Nice, donc c'est quand même compliqué, mais c'est sûr que c'est un beau résultat qui remet d'aplomb, comme tu dis, face à un adversaire qui était plutôt très abordable pour s'en mettre d'aplomb avec un faible Lorient depuis toute cette saison. Donc ouais, le job a été fait, 3-0, ouais, au-delà des 3 points en plus, moi je pense que ça fait du bien au moral et dans les têtes, et je viens de voir que le Milan AC vient de mettre un but, donc ça fait 2-1 pour l'Inter à la 81e, donc ça relance tout, donc on va suivre ça, 81e minute, 2-1 pour l'Inter. Donc ouais, Nice, bah, voilà, c'est le match où il fallait se relancer, ils l'ont fait très bien, et donc ouais, ils sont quand même encore en course pour la Ligue des Champions, même si ouais, ça va être encore compliqué quand même. Oui, ça, il reste, ouais, il y a encore des écarts, mais voilà, et en tout cas pour l'Europe, pour les autres coupes d'Europe, ils se sont bien replacés. Ouais. Et en revanche, Lorient, c'est voilà, ça reste 17e. Du coup, avec un petit peu de retard, donc ça va vraiment jouer jusqu'au bout pour ces équipes-là. Rennes aussi qui se relance, hein. Il y avait eu 3 défaites consécutives. Il s'est relancé à Nantes, là aussi une équipe qui est toujours mal classée. 3-0 aussi, même score. Pour Rennes, ouais, c'est aussi ça fait plaisir de regagner, hein, parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu. Dernière victoire, c'était face à Marseille. Hein. Il y avait eu cette victoire 2-0. Et ça remonte maintenant. Et du coup, c'était important de gagner. Et là aussi de se replacer. Même si encore du retard, hein, mais ça permet de se replacer quand même, peut-être pour aller jouer une Coupe d'Europe jusqu'à la dernière journée. Ouais, puis pareil, c'est clairement un match où il fallait s'en lancer, avec encore pareil comme Nice, un 3-0, donc qui fait du bien aussi au moral. Puis ouais, encore une fois, dans un derby, justement, face à l'ennemi nantais, à Nantes en plus, donc ouais, c'est une victoire qui fait du bien mathématiquement, et puis comme je l'ai dit, dans les têtes, donc. Très belle victoire, très belle opération des Rennais ce week-end. Donc 3-0 face à Nantes. Ensuite, on a Lens qui s'impose face à Clermont là aussi. C'était ces 3 premiers matchs, c'est vraiment des équipes d'Europe face à des mal classés. Et bah, c'est encore l'équipe la mieux classée qui gagne, c'est Lens. Pareil, qui se replace aussi. Hein, là, c'est encore une plus mauvaise série pour Lens. Les 4 derniers matchs sans victoire. Et bah, cette victoire aussi qui permet de rester à distance de Rennes et de rester au contact de Nice aussi, cinquième. Donc, victoire importante. Et pour Clermont, c'est un pas de plus peut-être vers la Ligue 2. Et ouais, pareil pour Lens. C'est un peu la même chose finalement que ce qu'on a dit pour Nice et Rennes. Ouais, bah, c'est le match pour se relancer aussi. Ouais, comme tu as dit, ils ont gagné que 1-0 grâce à un but de Sotoka sur penalty à la 3e minute. Mais ils ont manqué plusieurs fois, hein, Lens, de faire le break et d'aller chercher une plus grosse victoire contre Stade d'Arterla, ouais, Clermont, qui, comme tu l'as dit, là, ça va être très compliqué, hein, de sauver, c'est presque, j'ai envie de dire, ouais, mission impossible, hein, quand même. Il y a 4 matchs pour eux. Ça semble compliqué. Même d'arracher la place de barragiste, ça va être très très dur. Ouais, je pense que Clermont, c'est de l'année de la défense, quoi. Donc victoire de Lens 1-0. Les matchs d'hier, on a Lille d'abord qui recevait Strasbourg. On avait peut-être peur pour Lille, hein, qui allait bien en championnat. Hein. Il y a eu 3 victoires consécutives, mais après cette défaite et cette élimination, on pouvait se dire que le moral n'allait pas être là. Et quand même, Lille s'impose, fait le job 1-0 seulement, mais c'est très précieux évidemment pour rester sur ces 4 premières places. Et c'est vrai que maintenant, on va en parler au classement, mais il y a 5 points d'avance sur la 5e. Qui est Nice, mais il y a quand même un bon matelas d'avance quand même. Oui, comme je disais tout à l'heure quand on parlait de Nice, hein, ouais, 5 points d'avance, donc ça fait du bien. Après, ils s'imposent 1-0 là contre Strasbourg, ça aurait pu mal tourner pour eux, parce que c'est vrai que Strasbourg, ils sont bien revenus dans le match en seconde période après la pause, mais ils ont manqué de lucidité, ils ont pas su ouvrir la marque de Strasbourg, donc c'est sûr, c'est un match assez heureux pour Lille, quelques jours après donc cette élimination en Conference League. Et donc comme tu dis, Lille là qui est peut-être pas non plus dans un fauteuil à 100%, mais qui est plutôt à l'aise. Ils ont de l'avance, on l'a dit, sur Nice avec 5 points, et puis ils sont quand même pas loin du podium, hein. Ils ont qu'un point de retard sur Brest et Brest qui a un match de plus que Lille, donc Lille pourrait même s'installer sur le podium en cas de victoire prochainement, quoi. C'est sera mercredi, hein, match de retard face à Monaco, justement. Monaco, ouais. En plus, ça pourrait être deuxième Lille en cas de victoire du coup contre Monaco. C'est avec ça. Avec le goal avéral. Exactement. Ouais. Ça va être un match important cette semaine. On en parlera. Ouais. On pronostiquera d'ailleurs tout à l'heure ces 3 matchs là. Donc victoire d'Lille 1-0. On a rapidement Reims Montpellier. C'est Montpellier qui fait une belle opération pour le maintien, là, qui est pas encore maintenu, mais c'est bien bien avancé. En tout cas, maintenant il y a 8 points d'avance, donc c'est une belle opération. Et puis Reims, maintenant va se retrouver cette 10e place, hein, qui va plus jouer grand chose, même si l'Europe est toujours en tête pour Reims. Ça fait quelques semaines qu'on le dit, mais c'est pas encore tout à fait définitif. Mais c'est une défaite qui les éloigne un petit peu de ces places-là. Metz qui s'impose au Havre 1-0, c'était un match de mal classé. C'est Metz qui fait la très très belle opération en gagnant 1-0 et qui passe. Encore un but de Mikotadze. Et encore un but exactement de Mikotadze qui est en feu en ce moment. Et du coup Metz, grâce à cette victoire, passe devant le Havre et laisse sa place de barragiste au Havre. Donc super opération de week-end pour les Messins. Le choc, c'était à 17h entre Brest et Monaco. Et c'est Monaco qui fait un gros coup, hein, du coup, grâce à cette victoire 2-0 à Brest. Et qui, enfin, ça faisait plusieurs semaines qu'on en parlait. Ça y est, Monaco passe deuxième, passe devant Brest. Pour Brest, il y a un petit coup d'arrêt. Il y a eu la défaite à Lyon avec un scénario fou la semaine dernière. Et nouvelle défaite là, ça y est, Brest. Est-ce que peut-être la pression arrive enfin sur Brest, ça y est, alors qu'on arrive bientôt à la fin de saison? Ouais, la pression, j'en sais rien, peut-être mine de rien de la fatigue, hein, tout simplement. Pression, ouais, peut-être, mais je sais pas. Je pense que leur place en Ligue des Champions, elle est presque peut-être pas dire que c'est fait à 100%, mais c'est bien bien engagé. Après, la 4e place, elle est quand même pas géniale, hein, on le sait, il faut passer les barrages, il faut passer donc c'est jamais simple. C'est sûr, et puis j'ai pas tout lu l'article tout à l'heure, mais j'ai vu le titre comme quoi alors le Stade français doublé en cas de qualification Ligue des Champions. Alors soit ils pourraient pas y jouer, soit ils auraient que 5000 places pour leurs supporters, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Ouais, donc c'est compliqué aussi cette histoire-là. Enfin après ça n'a rien à voir avec le terrain, je veux dire, mais donc moi je pense que c'est surtout de la fatigue quand même, hein, la part des Brestois aussi. Oui, c'est sûr. D'enchaîner tous ces bons résultats et puis toutes ces grosses performances et puis forcément d'enchaîner aussi contre des équipes en forme, hein, quand même Lyon, Monaco, c'est quand même relativement en forme ces derniers temps, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc Monaco, belle opération. Zakaria Minamino encore qui est très très bon en ce moment. Point rouge quand même en fin de match. Ouais, point noir pour Monaco, c'est la perte de deux joueurs, Singo et Benseguir, en fin de match. Voilà, il y a eu un peu de tension dans la fin de match et du coup, bah, ça fait, c'est dommage pour Monaco qui va perdre deux joueurs importants. Alors, je sais pas s'ils seront suspendus pour le match de Lille mercredi, parce que je pense que c'est un, ce sera pas encore jugé. Enfin, en tout cas, la commission aura lieu que jeudi, mais ils seront suspendus pour le match de du week-end contre Lyon, à Lyon. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Monaco, qui va devoir faire sans ces deux joueurs, surtout sur sans Ben Seguir qui est très très bon devant. Donc ça, c'est un peu le point noir. Ça enchaîne là. Brest, Lille, Lyon. Ouais, il y a eu un gros, il y a un gros calendrier. Il y avait déjà eu Rennes la semaine dernière. Là, il y a Brest, il y a Lille, du coup, majeur retard. Il y a Lyon, c'est vrai qu'il y a un gros calendrier. Mais en cas de victoire face à Lille, voilà, ça sera un gros gros pas de fait. Hein. Ah oui, bah, c'est sûr. Mais bon, faudra le gagner. Ensuite, on finit avec donc deux matchs. Toulouse-Marseille d'abord à 19h, match qui avait été décalé un petit peu à 19h15. Et du coup, bon, on en avait parlé, hein, on avait dit que ça allait sûrement être compliqué contre Toulouse post-Coupe d'Europe. Et ça a été le cas, hein. Malgré l'ouverture du score, Toulouse est revenu, est passé devant et sans se. Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, de Mombania qui n'avait pas été exceptionnel mais qui avait marqué le but de, du retour. Et là, c'est lui qui met le but, même si c'est pas une victoire, ça reste un nul, ça fait un point quand même. Et en plus, quel but de Mombania! Une espèce de retour acrobatique, ouais. Improbable, ouais. Un peu improbable, ouais, c'est bon, ça rentre tant mieux, mais ouais, encore une fois, lui le sauveur quand même, mine de rien, il a le mérite d'être là et tenter de dire que là aussi, donc non, faut quand même reconnaître ça, évidemment. Mais honnêtement, je sais pas trop quoi tirer de ce match-là, comme tu dis, comme on l'avait dit, et puis quand on a vu cette fatigue immense, en prolongation contre Benfica, voilà, on disait bien que dimanche, ça allait être compliqué d'aller chercher les trois points à Toulouse. On a failli ramener aucun point carrément avant ce but là qui est sorti de nulle part à la 90+6 de Mombania. Donc on va dire est-ce qu'on dit que c'est un point heureux, je sais pas, oui quand même, parce que du point de vue de la physionomie du match, en tout cas d'une fin de match où on perd 2-1 et tout ça, on peut être heureux de ramener un point, mais là au classement ça fait mal, hein, encore une fois, de pas gagner. Donc ça fait mal. Heureusement, Lyon n'a pas gagné, mais Rennes a gagné, Lens a gagné, Nice a gagné, tout le monde a gagné devant en fait, sauf Lyon. Donc, ce qui peut nous rassurer encore un peu, c'est le fait qu'on ait ce match de retard par rapport à Lyon, à Rennes, pour cette 7ème place, quoi. C'est ce qui peut nous rassurer et essayer de gagner, même si ça va encore une fois pas être simple mercredi contre Nice. Mais on va dire qu'on peut encore se raccrocher à ça, quoi, se dire que voilà, on va retomber à 30 matchs joués comme les autres mercredi. En espérant cette fois-ci, il fallait vraiment chercher les 3 points et au moins gripper cette 7ème place. Quoi. Ouais. Il y aura Nice, il y aura Lens aussi, un truc. Oui, en plus. C'est pour tout le monde, là, pour Monaco, pour l'OM, c'est un calendrier. Pour Brest aussi, hein, Brest qui jouera Rennes aussi. Enfin, là, ces deux journées qui arrivent, il y a beaucoup de entre les 6-7 premiers, ça tourne beaucoup, 8 premiers même, ça tourne beaucoup. De gros matchs, donc ça va bouger effectivement d'ici dimanche. Et puis on finit avec victoire du PSG face à Lyon, 4-1. Bon voilà, on va pas s'attarder là-dessus, mais on a eu un peu deux matchs différents, enfin deux périodes de matchs, quoi, on va dire, tu vois, ouais, deux ambiances. Ouais, c'est ça. Pareil qu'il y a eu sa mi-temps qui a mis ses 4 buts et qui a fait le boulot, voilà. Il est calmé après, quoi. Voilà, il y a Dembélé et Mbappé qui n'étaient pas sur le terrain. Alors que ça se frictionne grandement là entre les joueurs du Milan AC et l'Inter. J'ai pas vu d'où ça venait, mais là c'est ouh là là, ils chopent tous par le callback, comme on dit. Et pour l'instant, il y a toujours 2-1, ça tient et. Toujours 2-1, on est à 90+3 là, mais ça ne peut pas se lâcher là, tout le monde. C'est tendu, ouais, le titre est au bout. C'est presque marrant à voir, quoi. C'était tout. Carton rouge, alors je sais pas c'est pour qui. Carton rouge distribué, alors j'arrive pas à voir c'est pour qui. C'est pour Fratesi peut-être. Il veut pas lâcher le carton, en tout cas il aime bien la main à l'arbitre, mais ils n'arrivent pas à les décoller. Ils s'agrippent tous le maillot. Ah, carton, ah, ouais. J'arrive, c'est confusion totale là. Puis j'ai pas mis le son de la télé pour bien t'entendre. Carton rouge peut-être pour Dumfries, pour Raphaël Leao. Alors Dumfries, carton rouge pour l'Inter du coup. Puis probablement du côté du Milan, ouais, on va voir. Ouais, sûrement. Ah, Théo Hernandez, je crois, non? Je crois que Hernandez, ouais, Théo Hernandez, carton rouge, va sortir de la pelouse. Qui avait déjà un jaune, mais. Ouais, mais je crois qu'il a pris rouge direct. Ouais, bon, bon, on va voir ce que ça donne. On va suivre, ça. Il reste plus beaucoup de temps, du coup. Hein. Bah, du coup, une minute en soi. Alors, peut-être qu'il va laisser encore un peu plus jouer, je sais pas. Mais, et donc, Dumfries et Théo Hernandez, ouais, exclus. Bon, bah, très bien. On va suivre la fin du match. Donc, le PSG, donc, voilà, vainqueur 4-1, sans Dembélé, sans Mbappé, voilà, qui a fait le job. Sur ce match. Le classement, donc, le PSG 66 points pour être champion peut-être dès cette semaine. Hein. Enfin, ce week-end probablement, mais peut-être dès mercredi, en fonction des résultats des matchs. Monaco est deuxième 55 points, Brest troisième 53 points, ensuite on a Lille avec 52 points, Nice cinquième 47, Lens sixième 46, Rennes est septième 42 points, Lyon avec 41 points huitième, et Marseille neuvième 40 points, et même Reims hein, qui est encore en course 40 points avec dixième. Et puis après on a le reste, hein, les de 11 à 18. Pour Clermont, ça va, on l'avait dit, ça va être compliqué. Lorient, Le Havre, le Metz, ça peut encore tout ça se maintenir. Nantes aussi, Strasbourg, Montpellier, Toulouse semblent quand même à l'abri maintenant, voilà, d'un retour des relégables. Eh bien, d'abord, résultat de la journée, de la troisième journée de pronostic. Victoire 5-4, ça a été serré, mais victoire de Rémi. Ouais. Voilà, petite courte victoire. Pas mal, hein, Delon. Parle de lui à troisième personne, le gars est fou, quoi. on pronostique. Alors d'abord, avant de pronostiquer du match du week-end, on va pronostiquer les trois matchs de la semaine, les matchs de retard. Donc on a d'abord mercredi, enfin tout est mercredi, à 19h, on a Lorient-Paris. Donc Lorient, 17e, Paris, leader qui pourrait peut-être être champion. Ça va dépendre aussi de Monaco. Moi, je vais mettre Paris, hein, sans problème. Oui, bah, moi aussi, hein, bien sûr. Ensuite, à 19h toujours, on aura Monaco-Lille. Donc, un match important. Monaco 2e, Lille 4e. Lille pourra revenir. À 22h. Hein ? T'as dit 19h ou 21h, t'as dit ? Je crois que c'est 19h aussi. Non, c'est 21h. Non, c'est comme Marseille. Ah, ça a changé, alors. Ok. Ces deux-là à 21h. Ok, très bien. Ouais. Donc, 21h, du coup. Ouais, il va falloir, c'est chiant, il va falloir choisir. Enfin, moi, je perdrai Monaco, hein. Mais, ils auraient pu mettre, trois horaires différents pour pouvoir tout regarder, mais bon. Donc, ouais, c'est pas le même diffuseur, je crois, Marseille et Monaco. Non, Marseille, c'est Canal et Monaco, c'est Prime. Comme ouais. Paris, oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Monaco-Lille. Ouais, tu mets Monaco, toi, du coup? Oui, parce que si Monaco gagne là, Monaco, ça y est, ça assure normalement la Ligue des Champions quasiment. Ah, je tente le LOSC. Pourquoi pas? Lille, ouais, ce serait un gros coup et on passerait. Monaco, ils nous ont habitués à carton rouge pour Calabria côté milanais. Oh là là. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors, je regarde vite fait. Ah, il a une espèce de coup de poing. Alors, je crois que c'est stratégie, j'ai pas bien reconnu, mais bon, carton rouge en tout cas pour Milan. Disons, ça enchaîne. Ouais, le LOSC, bah, Monaco, on est habitué un petit peu à leurs résultats en Dante. Alors, même si là, oui, il y a une belle série. Il peut vraiment aller chercher cette deuxième place. Ah, je sais pas, le LOSC, j'ai envie de garder attention. À Lille, s'il gagne, Brest se retrouve quatrième. Hein. Ça y est. Ouais. Brest, ils peuvent pas tout perdre, mais là, ils seraient en mauvaise position quand même pour se qualifier de direct. Ouais. Donc, Lille, pourquoi pas. Et puis, donc, Marseille, Nice. Ça y est, c'est fini. Champion d'Italie, officiel. En porte Scudetto. Bravo. Grosse saison, rien à dire. Ouais. Pour l'Inter. Très bien, bah, ok. On va suivre les autres matchs qui se terminent tranquillement. Donc, Marseille-Nice, enfin. Marseille, donc, 9e, Nice, 5e. Match important. Ouais. Alors, on va mettre le score, du coup. Parce qu'on en a pas mis. On n'avait pas mis du tout de la journée. Et du coup, bah ouais, on peut mettre Marseille ou Monaco-Lille, n'importe. C'est pareil, hein, c'est deux gros matchs. Hein. Ou les deux, allez. Ouais, ce que j'allais dire, les deux. Hein. Alors, on se tente les deux. Moi, je dis 2-1 pour Monaco. Bah, moi, je dis 2-1 pour Lille. Allez. Et bah, 2-1 pour Lille. Et du coup, on va. 2-0 pour l'OM. 2-0 pour l'OM. Ok. Moi, je vais mettre 2-2. Je pense qu'il va y avoir un nul quand même. tout est possible. Tout est possible. Ouais, ouais, franchement, c'est ça. Je me dis, c'est encore une fois, est-ce que le Vélodrome peut jouer encore son rôle? Son rôle, ouais. Ouais. Donc là, on peut se mettre un 2 points bonus là si on est bon. Ouais. C'est. Mais je sais pas du tout où on en est du score. Donc là, je sais pas où est-ce que qui est devant pour l'instant et qui peut se passer sur cette journée. On était là l'année dernière pourtant, non? Ouais, on était là. Je pense que. Ah bah non, mais c'est que j'ai pas, comme il manquait des matchs, j'ai dit on fait rien. Donc on va faire le point tout de suite. Tiens, je crois qu'on a pas beaucoup de points. Honnêtement, je crois qu'on a pas de points du tout en fait. Ah non, c'est qu'on avait pas de points du tout. Ah oui, je me rappelle, moi j'avais pas de points, je crois. Et moi non plus. C'est pour ça qu'on a. C'est pour ça. Zappé, hein. C'est pour ça que j'avais pas de rouge. C'est qu'on est à zéro. Ah ouais. Donc en fait. On est bon. Avec le 2 points bonus, on va pas faire de miracle. Hein. Non, c'est sûr. Donc voilà, on a ces matchs-là, 3 matchs pour se départager du coup. Et du coup, on pronostique maintenant 31e journée. Donc on y va avec vendredi. Vendredi, Montpellier-Nantes. Montpellier, 12e quasiment sauvé. Nantes, 14e, pas sauvé du tout. Moi je mets Montpellier. Crash, c'est pas du tout là. C'est... Ouais, c'est... tout est possible. Ouais, tout est possible, hein, encore une fois. Moi, je vais mettre match nul, mais sans conviction. Samedi à 21h, Le Havre, Paris-Le Havre. Paris, leader, Le Havre. Et. À 16e, là, oui, ça joue le maintien à fond. Moi, je vais mettre Paris, ce sera probablement le match du titre. Parce que peut-être ce sera fait mercredi. Mais si c'est pas le cas, ce sera le match du titre au Parc. Donc, moi, je mets Paris en plus contre Le Havre. Il n'y a qu'un match samedi. Oui, ça a un petit peu changé. Ouais. Comme il y aura aussi un match à 19h dimanche. Voilà, je sais pas pourquoi, ça bouge un petit peu les matchs. Je mets Paris, Paris aussi. Paris aussi. Ouais. Oui, je pense. Hein. Ensuite, on a. Dimanche à 13h, on aura Metz-Lille. Metz 15e, Lille 4e. Moi, je vais mettre Lille. Ouais, je mets Lille. Ouais, quand même contre Metz. À 15h, on démarre avec Clermont-Reims. Clermont dernier, Reims 10e, qui peut encore espérer des choses, donc je vais mettre Reims, moi. Là, ils ont plus le choix. S'ils veulent vraiment espérer jusqu'au bout, il faut gagner. Face à Clermont. Je vais te suivre aussi. Ensuite, on a Lorient-Toulouse. Lorient 17e, Toulouse 11e. Pareil, là, il y a un gros enjeu pour Lorient. Voilà, je vais te séparer le premier, là. Franchement, j'en sais rien. Là, j'en sais tellement rien aussi que je vais être petit bras pour. Enfin, pas tenter grand chose, je vais mettre nul. Ouais, j'ai pensé aussi, ouais, franchement. Lorient, c'est quand même pas bon du tout depuis là ils ont après, Toulouse c'est pas trop mal hein. Enfin, on l'a vu aussi contre l'OM ce week-end ouais. C'est pas non plus voilà. Je vais mettre Toulouse moi ouais je vais mettre Toulouse parce que là il tu sais dans une fin de saison comme ça des fois t'as un sursaut d'orgueil pour l'Orient tu vois je sais ouais ouais ouais je c'est pour ça que c'est compliqué en fait donc je reste sur mon nul allez franchement, je vais laisser ça, mais sans. J'ai presque envie de changer. Ouais, des fois, il faut laisser sa première impression. J'ai presque envie de mettre Lorient. Lorient et je vais le faire. Tu sais quoi, je vais mettre Lorient. Il est fou. Là, je suis fou. Il est dingue, le gars. Strasbourg-Nice. Strasbourg 13e, Nice 5e. Je vais mettre Nice. Hein. Je vais mettre Strasbourg. Ouais, tu vois. Pourquoi pas? Je sens une petite surprise. Pourquoi pas? Ils sont pas tout à fait sauvés, mais ils sont plutôt bien. Mais ouais, pourquoi pas? Grand match à 17h. Rennes-Brest. Rennes 7e, Brest 3e pour le moment. Et ouais, ça peut avoir de l'importance ce match. Je vais mettre match nul, moi. Franchement. Ouais, moi aussi. Ouais, toi aussi? Moi aussi. Ouais. Je sais pas trop quoi mettre, mais Rennes revient pas mal. Brest, c'est un peu l'inverse. C'est deux dynamiques différentes, donc ça. Ça peut presque être Rennes aussi, hein, mais je pense que ça va peut-être faire un nul quand même. À 19h, Lyon-Monaco. Lyon 8e, Monaco 2e. pour l'instant, avant le match de mercredi. Moi, je vais. Ah, il y avait deux gros matchs pour Monaco dans la semaine. Il y a Lille, il y a Lyon. Bah, je vais mettre Monaco quand même. Ouais. Hein. Et il y a énormément de matchs. Elle est dure cette journée. Cette journée, elle est très très dure. À Lyon. Bah, puis ça dépend aussi tellement de un petit peu des matchs de mercredi aussi. Oui, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Sur quelle dynamique sera Monaco? Faut que je prenne une décision. Là. T'as mis Monaco toi du coup, ouais? J'ai mis Monaco. Bah... Ah, c'est possible. C'est probable, mais c'est pas fait. Ouais, je mets. Oh, non. Non, mais j'ai le cœur qui parle. Enfin, j'ai pas envie que Lyon gagne. Déjà par rapport au classement, par rapport à l'OM, mais. Oh là là. Je mets nul. Allez. Alors, truc, ah, ça fait 3 nuls déjà, toi. Mais pourquoi pas, hein. Ah bah, pourquoi pas. C'est peut-être une journée au nul. Et à 21h, Marseille 9e, Lens 6e. Pareil pour Marseille, deux gros matchs dans la semaine. Deux matchs à domicile quand même. Deux matchs à domicile, ça peut aider. Moi, je vais mettre victoire 3. 3 hein, de Marseille, allez. Ah, je voulais mettre toi aussi, putain. Ah bah, j'ai hésité avec 2-1, mais. J'ai hésité, mais 3-1, ça me paraît pas mal. Bah, tu peux mettre pareil, hein. Ouais, je peux mettre, oui. Ou pas. Mais. En fait, j'en sais rien, parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de blessés, d'absents. Les matchs s'enchaînent. Il y aura Benfica 4 jours après. De Bergame. Atalanta, pardon. Mais c'est un match entre deux. Il y a match cette semaine. Il y en a. Ça s'enchaîne bien. Là, est-ce qu'il faut tout jouer et être fatigué pour Bergame, ou est-ce qu'il faut se reposer un peu pour Bergame? Mais si t'as pas gagné demain contre Nice, mercredi contre Nice. Voilà. Sachant qu'on n'a pas 500 000 options sur le banc quand même, mine de rien, tu vois. Oui. De sûr, quoi, je veux dire. Tout dépend. Enfin, mercredi, ça va être. Pas trop savoir, mais il faut dire quelque chose. Hein, il faut se décider. Pour rendre l'antenne, c'est ça? Pour rendre l'antenne déjà depuis 20 minutes. Ouais. Faut partir, monsieur. Faut pas rester là. Je mets comme toi. Tant pis, je l'ai très petit bras sur cette journée-là, mais. Bah allez. Je mets 3-1. Bah écoute, on va voir. C'est noté. Bah, on verra tout ça lundi. Et avant de se quitter, l'agenda de cette semaine. Alors, déjà, est-ce que les directs, ça y est, ça se termine normalement. Bon, l'Inter, ça y est, c'est fait. Le Séville mène 2-0 face à Mallorca. C'est fini, hein. Il reste. Oui, on est à la 82e, c'est quasiment fait pour Séville. Mauvaise opération pour Mallorca, là. Benfica mène 3-1, donc ça se passe bien. Et Sochaux mène 2-1 face à Niort, toujours. Et il reste une poignée de secondes, donc ça devrait peut-être se finir là-dessus. Tiens, une info que concerne Novak Djokovic, qui a été élu sportif de l'année dans les trophées Lawrence. C'était aujourd'hui. 25e édition de cette édition de ce trophée à Madrid. Et donc, c'est Novak Djokovic qui a été élu sportif de l'année 2023. Voilà, bah évidemment avec une grosse grosse saison pour lui, et il succède donc à Messi qui avait gagné l'an dernier. Je ne savais même pas, tu vois. Très bien. C'est scandaleux. Donc ouais, c'est elle. Et chez les femmes, c'est Aitana Bonmati qui est l'Espagnole qui a gagné le mondial avec l'Espagne chez les filles, championne du monde. Et puis Bellingham qui a été élu révélation de l'année. Oui, ça paraît logique aussi. Voilà, ouais. Pour ce petit trophée. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on aura de beau? Alors déjà, côté foot, il y aura plein de choses, hein, puisque demain, ça, il y aura une journée en Ligue 2. Il y aura la 34e journée. Il y aura l'Angleterre, Arsenal-Chelsea. Retard. Donc ça, c'est important. Il y aura la demi-finale, retour de la Cup. De la Coupe d'Italie, pardon, Lazio-Juve, ça c'est pour demain. Mercredi, on aura les trois matchs de Ligue 1 qu'on a pronostiqué, les matchs de retard. On aura Liverpool aussi, on aura United qui jouera. Donc pas mal de matchs. On aura Bergame Fiorentina, le retour de la Coupe d'Italie. Donc ouais, il y a des matchs tous les jours, je crois, hein, quasiment. Jeudi, c'est Brighton City. Donc qui aura lieu. Donc bah ah, il y a pas Udinese et Roma si. Si Udinese Roma, match qui avait été arrêté à 64 minutes. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, il avait été arrêté le match. Non, 70e, bah c'était je sais plus quel joueur merde, avait fait un arrêt, ah, oui. Enfin, un arrêt cardiaque, mais quand même un malaise. Oui. Et bah oui, du coup le match va reprendre à 7 minutes là, hein, 70e je crois. Hein. Ouais, truc comme ça. Donc, il va rester 20 minutes. Et il y avait un partout. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce match, mais du coup, il va être terminé et il y a un partout pour l'instant. Et pour l'organiser, c'est important pour le maintien. Et pour la Roma, c'est important aussi pour l'Europe. Donc c'est des matchs. C'est une fin de match qui va être. Ça va être bizarre de jouer 20 minutes d'ailleurs. Ouais, je sais pas comment tu abordes ce match-là. Bon. Par contre, je sais pas jusqu'à quand. Enfin, s'il reste 3 minutes, est-ce qu'on rejoue 3 minutes ou. Bah, c'est ça. Et puis, du coup, là, ça va pas commencer par un engagement. Ça va être une balle à terre. Je sais pas ce qu'ils avaient été. Oui, je sais pas sur quoi ils sont arrêtés, mais ça va reprendre par ça, ouais. Mais, et ouais, ça. Bah, je sais pas, ouais, si, en vrai, ce que dit le règlement, s'il reste, je sais pas, 5 minutes de match, on rejoue 5 minutes, on fait revenir l'équipe pour 5 minutes. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Bah, je pense pas, peut-être match à rejouer. Match à rejouer, s'il y a 4-1 pour l'équipe, t'es vert quand même. Bah, c'est ça. Donc, je pense qu'il doit y avoir des petites lignes qui doivent expliquer des trucs. Ouais. En tout cas, voilà, ce sera jeudi aussi. Et puis vendredi, bah, c'est reparti pour la Ligue 1. On rattaque. Hein, voilà, tous les matchs qu'on vient de parler. Donc, les matchs tous les jours de la semaine, là, il y a de quoi faire. Et pour l'USO, déplacement à Versailles, très important, vendredi à 19h30 pour prendre 3 points qui seraient évidemment bienvenus. On a quoi d'autre? Ça c'est pour le football. Pour le tennis, c'est Madrid cette semaine. Retour d'Alcaraz à la compétition après la blessure, donc il sera de retour et des Français aussi présents. En rugby, il y a une journée en top 14 bien sûr, mais sinon l'équipe de France féminine, ce sera la fin du tournoi destination avec le titre en jeu et le Grand Chelem aussi en jeu face à l'Angleterre. C'est les deux équipes qui ont tout gagné. Et donc ce sera France-Angleterre, ce sera samedi à 17h45 pour le titre et le grand chelem au passage. Donc l'enjeu il est là pour la France, c'est de battre cette équipe anglaise qui a tout gagné, comme l'équipe de France. Ça c'est donc pour le rugby. Pour le basket, cette semaine on aura un match important pour Monaco en quart de finale de l'Euroleague en Coupe d'Europe. Ce sera donc premier match jeudi et ensuite... mercredi et ensuite vendredi pour les deux premiers matchs des quarts de finale. Et puis en championnat, pour la Pro B pour Orléans, ce sera un déplacement à Évreux dimanche pour essayer de rester et d'aller chercher le podium sur ces derniers matchs de saison régulière. Et puis en handball, ce sera pour Saran. Là aussi important, ce sera à Toulouse jeudi pour essayer de grappiller quelques points aussi pour assurer le maintien. Sur les quelques matchs qui restent, voilà ce qu'on aura cette semaine. On aura pas mal de choses. On n'aura pas de Formule 1. On aura le retour de la MotoGP. Par contre, ce sera le Grand Prix d'Espagne dimanche. Voilà pour la reprise de la compétition. Et on se quitte avec les derniers matchs qui, ça y est, c'est fini partout. Hein, normalement, Séville, Mallorca. Ah non, Mallorca a marqué, tiens, 2-1. Mais c'est fini. On est dans les dernières secondes. Et puis Sochaux Niort 2-1, c'est fini aussi. Donc on se quitte avec tous les matchs qui se sont terminés. Il reste Benfica qui mène 3-1, mais il reste quelques minutes, ça devrait passer pour eux. On va se quitter avec donc Magic System et Premier Gaou. Voilà. Je vais découvrir. Ce que tu vas découvrir du coup. Je pense que tu dois connaître. C'est possible. Quand même. Possible. On se quitte avec ce dernier titre et puis on va remercier Hugo d'avoir été avec nous ce soir encore. Voilà, merci de l'accueil encore une fois. Rendez-vous lundi prochain, même heure, 20h30, 22h30 pour le débrief de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça ira un peu plus vite, il n'y aura pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Enfin, il n'y aura pas de Coupe d'Europe cette semaine, donc ça ira un peu plus vite. Non, mais il y aura quand même des matchs cette semaine, du coup, un petit peu à parler. Donc, Oui. un peu pareil. Attends, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, il y a quand même des choses. Alors, j'essaie de trouver un son qui soit assez propre. Mais, si, voilà. Ça va, ça, c'est propre. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à vous, bonne semaine. Et vive le sport. Ciao. Bonne soirée, ciao. Tu connais ça? Ouais, Luz ao Romeno, que passou pelo Sporting. João Mário mete a bola do outro lado, lançamento para a equipa do Farense. Já arremessada a bola por Talis, colocando para Facundo Cáceres. Quando já há muito público a abandonar o São Luís. É, e a confusão que foi para chegar cá, nas ruas da capital Algarvia. Vamos lá ver se eu e o Francisco Lemos temos a possibilidade de sair com mais conforto, com mais comodidade do Algarve para regressar a Lisboa, sendo que já tivemos algumas peripécias na viagem, por essa A2 abaixo. Até